dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout. Pendant une guerre sans fin, des samouraïs cherchent à prendre leur destin. Chacun guidé par leurs devoirs et leurs désirs, ils auront affaire à l'une des villes du clan du crabe, Sunda Mizumura. Vous êtes toujours dans le quartier des Franges, et là vous comptez peut-être aller à votre QG, j'ai envie de dire, chez Ida Fujikawa. Tout du moins, vous sentez que vous avez quelques indices. Il y a un truc qui va avec ce que vous avez entendu de la petite fille, les quartiers d'État, les masques, les poupées, etc. Mais ça vous laisse quand même du temps à cogiter. Sachant que maintenant vous êtes en début d'après-midi, donc vous avez encore largement quoi faire cette journée. Vous pouvez aller reprendre votre travail de patrouille, quoique Iruma Iruma peut s'en charger et le faire tout seul. Maintenant que c'est un BNJ à part, tu sais. T'avais envie de dire quelque chose ? Pas du tout. Pas, si D'accord. C'est moi, non, j'ai absolument rien à dire. Entre guillemets, vous avez largement de quoi continuer votre investigation dans la ville. Donc, si vous avez des endroits ou des idées, ou peut-être aimeriez-vous en discuter avec vos camarades et essayer de dénouer ce mystère qui semble, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, de plus en plus complexe. C'est vrai que c'est plutôt étrange tout ce qui se passe et ça en devient même très troublant. Maintenant, peut-être, qu'est-ce que nous avons comme piste pour l'instant? Alors, t'as l'impression qu'il y a quand même plusieurs affaires qui sont différentes. Hein. Mm-hmm. Y a la première, c'est l'incendie, qui est plus ou moins pour vous criminel. D'accord. Ouais. L'incendie de chez Oden. Oden. On va refaire un petit check-up, comme ça c'est pas mal. Kakidama Oden, dont la seule rescapée est sa fille, qui disait que son père avait des violentes disputes avec sa mère et ce qui a provoqué l'incendie, bizarrement. Mais des violentes disputes à plusieurs sujets, dont l'un. Celui de son oncle qui s'appelle Kyuda, qui s'est pas manifesté, qui apparemment pour vous a disparu de la ville. Juste ça. Il avait un entrepôt dans lequel, était entreposé du sel. L'entrepôt était gardé. On se souvient qu'il a été gardé par un garde des eaux, ou quelqu'un qui était un mercenaire à Yojimbo, etc. Donc quelqu'un de confiance. Il a été gardé et on est rentré en effraction et on a volé les quelques marchandises. Vous ne savez pas en réalité quelles sont les marchandises volées, mais une trace de sel vous permet quand même d'identifier que bon, ils ont volé dans sa marchandise quelques grammes de sel. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez retrouvé un marchand qui vendait de la viande salée et puis à bas prix avec des kilos de sel, disant qu'il avait racheté ce sel-là à la carpe grise. Dans un second temps, vous êtes allé faire une patrouille près de la place des plaisirs. Et c'est alors qu'une femme, sur la place des plaisirs, plutôt dans le quartier du Roc, en montant la rue. Oui. C'est alors qu'une femme s'est mise à faire comme une crise d'épilepsie, puis à vomir, et enfin un bakemono en est sorti qui a été rapidement détruit par moto. D'accord ? Ça, c'est quelque chose, vous en êtes sûr. Elle portait sur elle un masque que la petite fille avait. D'accord. D'accord. Et qu'on a aujourd'hui. Que maintenant vous avez aujourd'hui. C'est la petite fille qui avait le masque en question, qui a récupéré, enfin, qui avait le masque en question. Ouais. et que vous avez aujourd'hui. Ce marchand, le marchand de masques, vous l'avez repéré, il se trouve proche, je crois, du pont des deux rocs, ou si ce n'est le pont du général, l'un des deux ponts. Vous êtes allé, et puis le type était très chelou, vous avez acheté un masque, et le soir même, vous êtes fait attaquer. C'est une étrange coïncidence. Vous êtes allé le lendemain. Le type n'a pas l'air surpris de vous voir, même il avait l'air s'y attendre. Toute sa marchandise a été prise par le fameux homme au chapeau de paille. Ce fameux individu que vous cherchez maintenant aurait pris une centaine de masques, les masques créés par cet artisan, et serait tiré avec. Et d'après ce que vous avez compris, il avait peut-être des complices. D'après ce que dit certaines personnes. Oui. Par la suite, vous êtes allé voir. Vous êtes allé voir entre temps, bien sûr, Kuni Shiranai, qui vous a dit que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme avait une croûte à la place du visage, et en fait, vous êtes remarqué qu'il était pratiquement fait de bois calciné, marqué avec une sorte de matière étrange sur le visage. Bon, son corps a été brûlé immédiatement. J'ai pas encore dit ça. Vous êtes allé directement ensuite, je crois, aller voir la petite fille récupérer le masque et on s'était arrêté là. C'est ça. Et là, on sortait de l'orphelinat à ce moment-là. Ouais. Et justement, Kuni allait faire un rapport de ce qu'elle a vu et ce qu'elle pense à votre supérieur, hein, le magistrat de la ville. Mm-hmm. Kuni Ayezu. Pour voir avec lui la situation, si elle peut être démêlée, s'il peut avoir des idées, etc. Donc pour vous, pour le moment, vous êtes un peu lâché comme ça dans la nature, et puis vous vous retrouverez chez Ida Fujikawa pour le rapport de Kuni Shiranai. Ben mes amis, que précauser. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voudriez faire? Que préconisez-vous? Voilà, c'est ça, exactement. Préconisez-vous. C'est. Actuellement, bien des pistes s'ouvrent à nous. Et la menace la plus directe, pour moi, ce serait ces hommes qui auraient emporté les masques. C'est vrai, mais on n'a aucune piste sur l'endroit où ils se seraient rendus. Chercher des informations en réalité plus qu'autre chose là, de savoir qui sont-ils et l'endroit où on pourrait trouver ce genre d'informations sur des criminels serait le quartier des Franges. C'est pas faux. Où nous sommes d'ailleurs. Essayer de voir s'ils ont pas entendu parler d'un. Si ce n'est d'un cas, mais au moins d'une livraison de masques, de bois, ce genre de choses-là. Oui. Après, de ce que je me rappelle, j'ai quand même l'impression que ta présence n'est pas très appréciée dans le secteur. Ma présence ? Oui, oui. Enfin, du moins, ce que tu représentes. Écoutez, ce que je représente, c'est les marchands, et il y a bien des membres du clan de la Mante ici même. Oui, alors dans ce cas-là, allons les voir, eux, mais évitons peut-être d'autres personnes, parce que tu as bien vu que, ne serait-ce qu'avec la demoiselle de l'orphelinat, ça s'est pas super bien passé. Ah, mais malheureusement, j'ai pas pu lui demander pourquoi elle n'aimait pas les gens de mon espèce, comme elle dit. Parce que vous m'y avez oui. Formellement interdit. Parce que nous ne voulions pas. Parce que vous êtes un rat, vous m'entendez ? Alors, on rappelle qu'il y a beaucoup du clan de la Mante dans la ville. Et surtout dans l'endroit où vous êtes, il y a l'air d'avoir une certaine concentration. Écoute, nous allons te suivre dans ce cas-là. Bah écoutez, on va jouer ça au dé, hein, tout simplement. Est-ce que tu arrives à trouver quelqu'un qui puisse t'aider ? Et ça va être un jet, mais. T'es obligé un peu de te déshonorer. Disons que tu vas commencer à côtoyer des personnes peu fréquentables. Et ça va impliquer aussi sur ta réputation. On est bien d'accord ? Oh, si tu souhaites. Plus à ça près, hein. T'es plus à ça près. Parce qu'il a une réputation. Je rappelle que mes coéquipiers ne m'aiment pas de base et que... Alors, j'ai regardé, je pense que ça va être un jet de, comment on appelle ça, de filouterie. Donc le nom en anglais c'est Schoolder Jury. Et du coup, je vais te dire, tu perdras un nombre de points d'honneur. Alors je sais plus combien c'est calculé parce que moi j'ai souvenir que c'est par dizaines. Oh là là. Non, je vais te le dire, mais tu perdras un nombre de points d'honneur, sauf si tu fais ce qu'on appelle des... J'ai réussi à des... Opportunités. Alors, il y a les succès et les... les opportunités, voilà. Alors, je vais aller dans mon type Master Game et je vais aller dans Honneur. Mais est-ce que, Filoutri, j'ai quelque chose là-dedans, quoi, sur tout ça? C'est Scholar Jury, d'accord. Après, tu me dis comment tu... Bah, en fait, vu que j'ai comme... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Langage de Ludmer, voilà, dans Anxiété, qui me permet d'avoir qui ont des propos assez cinglants et je suis assez rêche à cause de ça. Mais c'est aussi un truc qui me permet d'avoir un langage un peu plus populaire de base. Si je me souviens bien. Ouais, ça te permet d'avoir des titres relances quand tu essaies de parler en termes nautiques, comme on dit. Voilà. Eh bien. Ce sera l'honneur, on sera d'accord. Et pour moi, tu perdras du coup beaucoup de points d'honneur. Je dirais, tu perds au bas mot, tu perds une dizaine de points d'honneur pour l'action que tu veux faire, réussie ou non. D'accord. D'accord. Chaque avantage t'apporte 5 points d'honneur en moins sur le résultat total. C'est-à-dire que si tu veux en perdre 10, t'as un avantage, tu en perds que 5. Même si le G est raté, tu en perdras peut-être 0. Ok, d'accord. Tu peux utiliser du point de vide, sachant que je ne sais pas combien tu en as. Je vais en utiliser un, sachant que j'en ai deux. Et pour moi, c'est vraiment une approche assez particulière. Alors, je me rappelle plus des approches totales de ce skill. Il est particulier, hein, le... Après, c'est moi, j'ai ma gouille, oui. C'est magouille, oui. Là, je passe de 1 mon vide pour me rajouter 1 en anneau. C'est plus 1 en anneau, c'est ça, ou c'est plus 1 en compétence? Plus 1 en anneau. Ok. Exactement. Donc, tu vas voir les gens, certains membres de ton clan, tu vois qu'ils sont très détachés, hein, ils sont pas, tu vois, ils t'envoient un peu balader au tout début. Puis tu te montres en tant qu'Yoriki, oui, nous on veut pas te mêler à tes affaires, etc. etc. Puis tu arrives dans une enceinte lugubre, glauque, hein, vraiment une sorte de bar où tu sens que c'est la marée avec. Tu vois, sur le comptoir, il y a des bigonos, mais des pinacs, tu vois, des gros chapeaux chinois accrochés dessus, des trucs qui sont vraiment accrochés sur le bois de la taverne, le bois du comptoir. T'as l'impression que c'est peut-être un ancien navire, ils l'ont mis comme ça. Et tu vas voir, et d'un coup, il y a le barman qui renifle un grand coup, il te regarde et puis te dit qu'il connaît quelqu'un. Ouais. Apparemment, ce que tu lui dis là, tu lui commences à lui poser quelques questions sur des mercenaires, enfin, la carpe et tout ça, tu vois, qui dit oui, c'est connu un peu, faut pas trop en parler, samouraï, tu vois, qui te dit d'être prudent. Ici, tu peux en dire plein, mais à l'extérieur, il ne faut pas trop, sinon tu attires l'attention de certaines personnes qu'il ne faudrait pas offusquer. Écoute, Yoritomo, tu vois qu'il te parle vraiment comme si t'étais égal à lui, hein, alors que t'as l'impression que c'est un émine. C'est juste ça. Mais pas le choix. Du moment que tu as tes informations, donc il te dit « Écoute, Yoritomo, il y a quelque temps, quelqu'un est venu dans ma taverne. Il avait besoin d'un transport pour quitter Sunda, mais discrètement, avec une marchandise dont peu de personnes sauraient ce qu'elle contient. Je lui ai dit que c'est pas ici qu'il trouverait sa réponse, et certainement aucun marin de cette taverne, honnête qu'il soit, prendrait à bord quelqu'un avec une marchandise volée ou même de la contrebande. Il devrait trouver quelqu'un d'autre et je l'ai conseillé à un guide. Il m'a demandé si je connaissais pas un guide justement pour le guider à travers les marécages. Il voulait vraiment quitter Sunda. Hein. Et il avait un chapeau de paille, oui. Il montrait jamais son visage. D'accord. Et vous savez à quel moment il est venu, hier soir? C'était il y a quelques jours déjà. Quelques jours, oui. Je pense qu'il est déjà parti depuis longtemps. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ce fameux guide? Non loin, dans le village voisin. Si vous connaissez, il y a un petit village qui vit à côté de la rivière, qui vit essentiellement de la pêche des poissons qui descendent de la rivière pour aller se jeter dans l'océan. C'est par contre à quelques lieues d'ici et peut-être il faut y aller à pied, ça aurait. D'accord. Ouais, cheval. Donc il te donne le chemin à peu près de ses habitations. En remontant la rivière, tu n'auras aucun mal à le retrouver, à retrouver le village. Ah, parfait. Je fais part bien sûr de ces informations à mes collègues. Pas amis, mes collègues. Messieurs, je crois savoir où est parti notre homme. Enfin, peut-être pas où, mais moins. Avec qui? Et alors? Un guide devait l'amener. Devait l'aider à traverser les marécages afin de pouvoir sortir de la cité sans trop de bruit. Il cherchait un bateau pour transporter sa marchandise, chose sûrement volée. Il portait un grand chapeau fait de paille. Et on n'avait pas vu, et notre bon ami le tavernier n'a pas vu son visage. Oui, ça a l'air de correspondre un petit peu à ce qu'on cherche, effectivement. Et c'est malheureusement la seule piste exploitable qu'on ait pour le moment. Exactement. On est à quel moment de la journée, là, à peu près? Début d'après-midi. Et donc, il pense qu'il faut y aller au village, t'arrives de nuit. Ouais. Ouais, donc il faut. À cheval, tu sais peut-être que tu arriverais au crépuscule. Tu vas vraiment. Après, je suis assez partagé parce que en même temps, s'il parle de partir assez vite. Plus on attend et plus on a des chances de passer à côté, si c'est bien lui. Donc on pourra arriver trop tard. Et en même temps, si on part maintenant, on va arriver assez tard. Mais on sait pas où on met les pieds, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'on pourrait demander pour qu'on nous passe, nous donne des chevaux et qu'on tente d'y aller maintenant? Ouais, oui. Qu'en penses-tu, Moto? Oui. Je pense que c'est la seule. Et dans le cheval, tu dois sur le moto, est d'accord. Oui. Oh oui, c'est sûr que à cheval, ça te fera bien plaisir, Moto. Il a coupé son micro. Donc, avant toute chose, avant de vous précipiter sur les chevaux, je vous rappelle que vous avez quelque chose à voir avec quelqu'un le soir. Vous pouvez laisser un message pour elle ou revoir vos plans, dites-moi. Est-ce qu'on a vraiment, parlé à Kuni, hein, ça? Pire, on peut l'amener avec nous. Elle se trouve en ce moment même en train de parler avec votre chef. Donc. Un peu difficile façon, de... Si on a besoin de chevaux, les chevaux, de toute façon, on les trouvera forcément là-bas. Par là-bas. Dans le quartier noble, oui. Voilà, donc forcément, on est quand même obligé de se diriger vers là où elle est. Genre, le rapport, il prendrait combien de temps à peu près à faire ? Ce qu'elle est en train de faire ? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Tu sais que ça peut durer longtemps vu ce qui se... Enfin, ce qu'elle a à dire. Pierre, on pourra laisser un message à une personne. Oui, bah, tout à fait. Ouais, on va laisser un message parce que ce serait dommage de passer à côté si vraiment il part et qu'on attend. Je deviens peut-être paranoïaque, mais est-ce que quelqu'un ne pourrait pas s'introduire pendant qu'elle n'est pas chez elle et lui voler le message? Non, mais. Je sais pas, ça me fait peur. Non, le message, c'est un messager. Hein. C'est un mec, vous lui missionnez pour... Pour lui dire qu'on va, dans le village, je sais pas où, et qu'on la reverra après. On le voit. C'est la dame de l'accueil, on lui dit de lui dire ce qu'elle repasse. Ouais, la standardiste. Ouais. Eh, hey, Brigitte, tu diras... À peu près ça. Voilà. Ouais, on va lui laisser un message et puis on va de notre côté demander des chevaux et partir le plus rapidement possible. Faisons ça. Village. C'est bon, moto. Même si c'est moi qui l'ai proposé, vous acceptez? Il ronchonne un petit peu. Comme on dit, qui ne dit mot. Je ne savais pas que c'était vous qui avait proposé cette. Et c'est vrai que tout compte fait, je pense que nous devrions aller voir nous-mêmes. Ça me paraît plus sage. Oui, je pense aussi. Eh bien, mes amis, allons-y. Ça me fait chaud au cœur que vous me considérez comme un ami. Oh, je n'ai pas de soucis avec vous. Je ne parlais pas de vous, Moto. Hein, je n'ai pas de soucis avec vous, Yoritomo. Donc, du coup, vous prenez les chevaux et vous partez directement. Vous laissez un petit message à Kuni. C'est ça. Kuni Shirala, en lui disant que vous êtes parti vers le village en bordure. Nous avons une piste sur l'homme au chapeau de paille et que nous partons de ce pas. De ce pas à Dada. Voilà. Et ben du coup, vous avez aucun mal à trouver des chevaux. Hein. Vous êtes Yoriki, hein. Vous avez même le droit d'emprunter des chevaux. Et vous êtes sur celle très rapidement et vous commencez à partir par les portes de la cité. Vous avez un droit de laisser passer, donc qui vous permet de rentrer sortir à votre guise, mais surtout de circuler sur les routes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je rappelle que, au vu des lois de l'Empire, normalement, les personnes qui quittent la ville doivent avoir un laissez-passer. D'accord ? Mmh. C'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas passer en fraude, sauf s'ils connaissent des chemins détournés ou s'ils font de la contrefaçon. D'accord. Donc, vous commencez à cavaler. Techniquement, ça veut dire qu'on sera plus rapidement là-bas que lui n'ait pu aller jusque là-bas. Mmh. Parce que lui, il a dû passer par des chemins. Encore une fois, vous passez par les chemins. Je le dis quand même. Mm. Vous commencez à cavaler. Donc, il y a quand même pas mal de monde sur la route entre Sunda et là où vous allez. Certainement, ils remontent la rivière d'or via le chemin que vous prenez. Et vous arrivez la nuit commence à se. Le jour tombe et la nuit se lève. Vous vous apercevez que le village est assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'activité comparé à Sunda Mizumura. Même, c'est totalement l'inverse, c'est très paisible. Dans le village, il y a 8 bâtisses au bas mot. Il y a l'air d'avoir une grosse bâtisse qui devrait servir de temple, au temple aux fortunes. Le reste, ce sont juste des bâtiments de émines. Il n'y a l'air d'avoir aucun, entre guillemets, hôtel, ni même... j'allais dire marché artisan. C'est vraiment après que des pêcheurs, ça a l'air d'être que ça. Vous arrivez, et là-dessus, quand vous commencez de descendre de cheval et attacher vos chevals à un arbre et pour rentrer dans le village tranquillement, des torches sont allumées et se dirigent vers vous. Et vous commencez un peu à voir 4, 5, 8 12 torches sortir de partout dans les environs et qui viennent juste devant vous. Et elles s'approchent, vous entourant presque, vous laissant que très peu de marge pour, vous sentez que ça sent un peu l'embuscade, comme ça. Vous commencez un peu à vous mettre un peu en retrait quand vous voyez qu'il commence à vous entourer. Et c'est alors que vous apercevez ce qui semble être des ronins. Des ronins assez peu, clairement, cheveux sales, qui a vraiment la terre sur le visage. Et l'un d'entre eux, qui est avec une coupe de cheveux plus improbables, arrive juste devant vous et il dit avec beaucoup d'aplomb « Samouraï, je crois que vous êtes perdu. Que venez-vous faire dans ce simple village ?» La ville, c'est par là. Et il vous pointe avec sa torche la direction de Sunda Mizumura. C'est à la recherche du passeur du marécage. Hein ? J'ai pas entendu ? Tiens, il tend l'oreille. Nous sommes à la recherche du passeur des marécages. Je ne connais pas de passeur de marécages. Vous connaissez les gars, un passeur des marécages ? Et tu vois qu'il y a... Au total, il y a quand même 12 bons hommes, tous armés, hein, je vous le dis quand même, qui rigolent, ils disent « Non, moi, je connais pas !» Ils se marrent un peu. Non, personne connaît un passeur des marécages. Mais là, on n'est pas encore arrivé au village, non ? Si, c'est ce village. Et donc... Eux, ils font partie du village. Jeune, hein. Tu ne sais pas. T'as l'impression que non. Ça te paraît très curieux. Serait-il possible que nous puissions aller voir les gens de ce village ? Vous n'avez pas l'air de forcément faire partie de ce village. Oh, ça, c'est mes habits qui me trompent. Je ressemble pas à un pêcheur. Oh. Mais pourtant si, tout à fait. Et regardez, et tu vois qu'il a une lame et il dit c'est comme ça que je tue le poisson dans la rivière. Et il fait quelques exercices avec son katana et tu vois qu'il rentre. Il rentre et tu vois qu'il a l'air de bien se moquer un peu de vous quoi. Écoutez, je pense que le moment n'est pas à la rigolade. Je me doute bien que vous n'êtes pas d'ici et que vous jouez de nous. Mais sachez que nous avons vraiment besoin de rencontrer le passeur des marécages. C'est très important et de nombreuses personnes sont en danger. Dois-je le dire dans quelle langue Samouraï, tu vois qu'il fait une petite courbette, comme il se moque complètement de toi. Samouraï, il n'y a pas de passeur de marécage ici. Retournez à la ville. Voyons. Si vous voulez avoir une affaire de serrure sur les mains, c'est vous qui le choisissez. Hein. Ils sont une douzaine. Hein. Ouais. Non. Il a. Là, il a rien. Il a pas. Agressé. Il a juste dit. Il a évoqué de la souillure. Normalement, même les gars comme ça, ils sont pas trop envie d'être souillés. Ouais, mais tu vois que... Tu vas me faire un petit jet. Encore une fois, c'est marrant, les petits jets. Ça va être un jet de courtoisie, R. Et... Mais... Comment dire ? Oh ! Donc, Relance. Ah. Tu relances. Oh. Et du coup, tu gardes ou pas? Ouais, je vais garder les trois. Tu gardes le total. Par contre, je commence à être bien fatigué, moi. Ouais. Donc, tu commences à les influencer en leur parlant de la souillure et le fait que quelque chose se trame si vous trouvez pas ce fameux gars. Tu vois que le mec se retranche un peu, tu vois qu'il écoute quand même, hein. t'as l'air de quand même le captiver. Par contre, il te dit tout simplement que non, mais la souillure, on est exposé tout le temps ici dans ces terres. C'est pas avec quelques grammes, quelques teintes que vous allez nous avoir. Samouraï, je sais très bien pourquoi vous êtes ici. Et je sais très bien pourquoi vous voulez pas partir. Et si vous voulez pas partir par votre plein gré, il sort son arme, tiré par la force, et il se met en position. Et les gars à côté, un peu aussi. Écoutez, calmez-vous, messieurs. Nous ne sommes pas là pour chercher querelle. Nous sommes là juste pour enquêter. Nous n'avons pas envie de sortir les katanas ni engager le combat. Et il en va de soi que trois, malgré le fait que nous soyons de bons bretteurs, nous ne ferons certes pas le poids contre vous. Il y va de soi, mais sachez que je ne sais pas qui vous emploie, mais sachez que les personnes qui sont derrière ça jouent avec des forces très mystiques et très dangereuses. Il y a déjà eu plusieurs morts en ville, et je pense que même vos vies sont menacées par cette même personne. Sachez-le. Tu vois que il t'écoute, et quand tu commences à lui parler des gens qui l'emploient et tout ça, tu vois qu'il crache sur le côté et il dit « Dernier avertissement, retournez sur le rouge-feu et revenez plus jamais ici. » Bon, je regarde mes camarades et du regard, hein, sans forcément parler, je leur fais comprendre que ouais, je pense qu'il vaut mieux y aller. On n'a pas forcément... enfin, on va pas forcément engager le combat, quitte à ce que on revienne un peu plus tard avec plus de troupes pour débusquer tout ça. D'accord. De toute façon, nous, ce qu'on va tuer, c'est pas des émines comme vous. Hein. Vous n'avez même pas de chapeau de paille. Je remonte sur ma monture. On va de même. Et je m'en vais, et juste avant de vraiment partir, je me retourne une dernière fois vers eux, je fais « Vous penserez à nous quand vous verrez ce dont vos employeurs sont capables. Mais ce sera trop tard, peut-être. » Si je peux vous donner un conseil, ne revenez plus jamais ici, Samouraï. C'est mignon. Et j'écoute même pas ce qu'il raconte. Il s'inquiète pour nous. Donc vous quittez les lieux. Donc ils vous laissent partir à cheval. Tu vois que les torches qui sont derrière vous maintenant s'éteint. Et il n'y a l'air d'avoir plus aucune trace de l'animation que vous avez vue. Vous faites demi-tour, mais il fait nuit et... Le trajet de nuit, c'est très, très, très, très compliqué. On n'a pas trop le choix en même temps. Oui, vous n'avez pas trop le choix. Une lanterne, une torche, un truc dans le genre. C'est alors que Moto Garbatar voit non loin de vous une petite ferme miséreuse avec deux poulets dans une basse-cour et tenue par quelques fermiers. Peut-être leur demander l'hospitalité. Ou alors continuer jusqu'à Sunda Mizumura et revenir où vous serez. Écoute, je pense que. Pratiquement le matin, quoi. Je pense que ce serait plutôt avisé de demander l'hospitalité pour la nuit, car ça va être compliqué de rentrer à cette heure-ci. Tout à fait d'accord. Et qui sait, peut-être auront-ils des infos pour nous. On ne sait jamais si nous avons de la chance. Ça se trouve, ils ont une douzaine de mercenaires, eux aussi planqués, que nous pourrions utiliser. La compagnie dorée est sortie avec ses câbles. Donc, coup, vous allez dans la ferme, là-dessus, porte close, lumière éteinte, etc. Tout pour vraiment bien la cacher. Qui veut frapper à la modeste porte pour demander l'hospitalité? Quelqu'un qui serait capable de convaincre un émine grâce à sa prestance. Et à son franc parler. Mais jusqu'à présent, Yoritomo, tu as su faire preuve de bon sens et tu as trouvé des réponses, donc je pense qu'il serait bien que tu continues. Ah, d'accord. Après, j'ai frappé à la porte. Donc tu frappes à la porte et là tu vois que une personne ouvre timidement celle-ci. C'est un homme assez âgé, pas vieillard par contre, qui t'ouvre la porte, te regardant et pardonnez-moi samouraï, que puis-je faire pour vous en cette nuit glaciale ? Simplement nous offrir un gîte de quoi nous abriter pour la nuit. Tu vois qu'il dit ma famille vous accueillera avec toute l'hospitalité qui vous est due, samouraï. Donc il se penche vraiment en avant, hésitant même à se mettre au sol pour te saluer. Sachant merci, merci. Rentre. Relevez-vous. Vous êtes un brave. Il t'ouvre la porte et il vous voit rentrer et il ferme celle-ci. Et tu vois qu'il a l'air de vouloir mettre une sorte de chaise dessus pour bloquer la porte. Là-dedans, tu vois que pratiquement il y a 8 enfants, d'accord, de tout âge, allant de quelques mois à 12-14 ans. Et il y a 3 femmes, une vieille femme, une femme d'âge assez adulte et une jeune femme de 17-18 ans. Celle-ci est marquée de coups, vous la voyez avec d'énormes hématomes au visage et au torse. Elle est avec des haillons, tous n'ont même pas de kimono, même pas de vêtements sur eux, ils sont en haillons. Et de ce que vous avez comme aperçu, c'est vraiment miséreux. Ils sont autour de ce feu, tous accroupis avec des futons. Le feu est minuscule. La pièce est assez grande, par contre. C'était style une grange, d'accord ? Mais tout le monde s'est rapproché autour de ce foyer. Les personnes qui sont là se font dégager par le paternel, qui leur dit de vous laisser la place à côté du feu et... Si vous voulez bien prendre place, ils ont quelques maigres rations, mais ils sont prêts à vous les offrir. Bien sûr. Oh, merci bien, mon ami. C'est, vu ce que vous faites pour nous, je vais quand même être généreux pour ma part aussi. Et je lui donne un bout. Un bout. La monnaie. Mais tu vois qu'il est là, et tu vois, dans son sens, il dit que si t'es prêt à lui donner un bout, c'est très... disons qu'il doit refléter une image tellement sordide que pour toi, lui donner un bout, c'est qu'il est miséreux. Et tu vois qu'il te le regarde, il te regarde... un bout... C'est la deuxième. Dis-toi que c'est un... C'est sur 12 mois, tu lui donnes l'équivalent de 3 mois. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Et tu vois qu'il te regarde et il hésite. Sa famille le regarde, laissant lui-même de choisir. Puis après un petit jeu de regard avec toi, il te demande modestement de garder votre argent, samouraï. Payer pour l'hospitalité, c'est quelque chose que je refuserais de faire. Simplement là, ce n'est pas pour l'hospitalité que je vous paye. Simplement à cause des Ronin qui se baladent ces temps-ci dans la région. Que je vois... Oui, vous êtes il nous a fait jurer de rien dire. Samouraï, je vous en prie, pour pas qu'il y ait de mal à ma famille, ne parlons pas de ce Goshiro. Ce que je vois, vous êtes le seul homme de la famille, les autres ont dû être brigadés ou même... Goshiro ? Mais enfin, nous ne savions pas son nom. Vous venez de vous impliquer, vous êtes au courant, vous venez de nous donner son nom. Ah, vous êtes mis en danger. Tu vois qu'il a réalisé son erreur, mais trop tard. Ah, mais vous ne pouvez plus reculer maintenant, vous êtes obligé de nous... tout nous raconter, ou bien nous pourrons, comment on dira... C'est... Ah, c'est regrettable, mais... vous avez commencé, vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant, désolé. T'as vu le membre du clan du scorpion plutôt ? Ouais, là c'est clan du scorpion tellement. Mais ce sera un jet de. Tac. De courtoisement avec terre. Courtoisement peut-être. Je tiens à dire que je réponds pas. Ah oui, feu, tout à fait, c'est incité. je retiens, enfin je, au vu de l'état de mon personnage, je, voilà, je n'ai plus aucune limite. Donc courtoisement, donc courtoisie, courtoisie avec feu. Donc un succès suffit amplement, je te le dis. Il y a une relance. Tu peux relancer si tu le souhaites. T'es pas obligé de garder le dé que t'as relancé. Alors c'est un skill, non. C'est... Mais c'est zéro. Bon. Est-ce que tu le gardes ou pas hein? Il s'en fout. Ah mais je gagne du conflit du coup. Bah là tu gagnes un point de conflit. Est-ce que tu gardes aussi l'autre succès? Est-ce que ça va avoir quelque chose? Bah, attends de me dire, est-ce que tu gardes l'autre succès ou pas? Bon, écoute, de toute façon, ah bah, je vais oublier que je suis à zéro. Bah, alors oui, je prends. Et du coup, l'opportunité. Donc, tu vois qu'il te regarde, il transpire un peu, tu lui fais appel, tu vois, tu fais appel à son sens de la révolte chez les paysans du clan du crabe, tu sais. Ce fameux sens qui a fait déjà décapiter de nombreux... le mec, c'est un patriote. De nombreux chefs de clan. Et tu vois que lui, il aime pas quand les choses sont injustes. Et justement, l'injustice est présente. Et il te dit que si vous êtes prêts à les aider à vous, contre Goshu, ils sont prêts à tout donner, à vous donner tout ce qu'ils ont... femmes, enfants, nourriture, animaux, tout. Si vous arrivez à les débarrasser de ces ronins. Nous n'aurons pas l'utilité de tel de si peu. Nous voulons savoir si vous connaissez un certain passeur des marécages. Tu vois qu'il se regarde et il dit oui. Il est parti il y a peu avec un homme très étrange qui est passé par ici dans le village. Mais il ne s'est pas arrêté. Avec un chapeau de paille? Tout à fait. Il avait aussi un âne, et, enfin une bête avec un chariot. Où est-il parti? Je ne sais pas. Vous auriez vu cet homme la direction. Vers la ville, vers Sundamizora. Je ne sais pas. Vous connaissez bien cet homme, le passeur? Oui, oui, oui. Je connais bien sa famille aussi. D'accord. Et vous savez où elle habite, sa famille? Elle est dans la ville à côté. Donc, il était dans le village de là. Sa famille s'y trouve, c'est des pêcheurs. D'accord. Petite question par rapport à ces Ronin. J'imagine que vous n'étiez pas le seul homme de la famille. Non, tout à fait. Je suis le troisième fils. Troisième fils? Les deux autres ont été tués par la lame de... Gojo? Oui. Et vos fils à vous? Bah, tu vois qu'il te les présente. C'est les enfants qu'il a à côté de lui, donc... Il y en a un de 12 et un de... D'accord, très bien. Et un de 8 mois à peu près. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'ils sont là, ces ronins? Alors, il te dit que il a pratiquement arrêté de compter depuis combien de temps ils sont là. Les autorités n'ont que faire du village et ont d'autres préoccupations. Et personne ne veut aider des vieux pêcheurs à se débarrasser de personnes qui extorquent... population. Donc je regarde Moto et Yoritomo. Écoutez, je pense que si on veut avoir de plus amples informations, nous devons libérer ce village des Ronins pour pouvoir rencontrer la famille du passeur. Peut-être eux auront plus d'informations sur la direction qu'il a prise. Ils ont peut-être été présents au moment où l'homme au chapeau de paille a discuté de cette destination. Et de toute façon, il doit dire où il part à sa femme, au moins. De toute façon, si nous détenons sa famille, il est évident qu'il tentera de la libérer. Parce que... que nous sommes là face à une opportunité en or. Et nous demandons vite à Sundar avec monsieur pour bien sûr trouver la vie de cette mine est maintenant plus précieuse que comment dire que lorsque nous sommes entrés. Et chose, nous avons besoin de garder ce témoin vivant. Ce témoin. Vous me comprenez. En tout cas, nous cherchons sur votre. Enfin, à vous protéger, monsieur. Donc, excusez-moi. Enfin, bref, nous devons rentrer à Sunda Mizumura plus vite. Je propose que nous ramènerons des renforts pour se charger de ce groupe de Ronin. Alors, du coup, là, techniquement, on devrait faire appel à quel gars? Non, ben, il vous croit, hein. C'est à vous de trouver ensuite les renforts pour qu'ils viennent. Hein. Oui, bien sûr, mais je vous posais la question, à quelle garde plutôt on est censé faire appel normalement? C'est pas vraiment... aucune des deux gardes en fait. Bah oui, il n'y a aucune garde qui est faite pour aller. Et les deux sont faites pour rester à l'intérieur de la ville. Il ouais. n'y a aucune garde qui sont censées pouvoir sortir et agir si. À l'extérieur. Souviens-toi, vous êtes passé devant une garnison. Au numéro 10, il y a au tout début de l'aventure. Ouais, mais ils veulent pas nous parler, eux. Ouais, en fait, c'est clairement, vous avez pas le droit de les convoquer. Vous avez aucun droit dessus. Ouais, mais après, on peut agir. Un magistrat, là. Voilà, on peut aller faire une requête à un magistrat qui va après dépêcher les troupes pour venir avec nous. Tout à fait. Parce que ça prend pas trop de temps, je sais pas. Bah après ils sont partis mais s'ils sont toujours là c'est que la personne va revenir sinon ils seraient partis tous ensemble. Donc en soi on a mis quelques heures pour venir. Dans la nuit je pense pas que ça va bouger les masses. Donc on a le temps de rentrer au petit matin on part au quatrième galop à fond de balle jusqu'à la ville. On rencontre le magistrat, en même temps on voit avec Kuni pour ce qui s'est passé, pour le rapport. Et après, bah, hop, on ramène tout ça et on retourne au village. Juste pour vous dire, le village n'est pas à même la petite rivière à côté, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une route où il y a beaucoup de passages, j'ai oublié de dire. Oui. Voilà. Donc vous êtes prêts. En fait, vous êtes déjà dans les marécages, entre guillemets. Oui. Bah après, on fera ce qu'il faut. Mais là, pour l'instant, juste à passer la nuit. Là, pour... si vous voulez regarder la map, vous êtes à peu près là, quoi. Là, aux alentours de Sunda. Ok. Donc, là, c'est okay, là, c'est marécages et vous êtes là. Excuse-moi. Bah du coup, ouais, on va. Ce serait pas plus rapide d'ailleurs de prendre la voie maritime. Le courant peut t'aider, mais il faut être un bon marin. Et... Sur soi. Ah, je suis un bon marin. Ouais, mais les embarcations sont là. Ouais, non, mais. Et après, on a nos chevaux. Depuis... On en fait quoi des chevaux, des marins Sunda. Je veux voilà. dire depuis Sunda. On revient depuis. Je reviens. Excuse-moi. Quand on repartira de Sunda, en fait, je veux dire. Ouais, mais les chevaux, c'est pas les nôtres déjà. Oui, mais quand on repartira de Sunda, je veux dire. Ah oui, oui. Là, on rentre en second... cheval et on revient en... Voilà. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Pour aller plus vite. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais pour y aller, oui, en chevaux, parce que bon... Bah, de toute façon, on a les chevaux qu'on nous a donnés, donc il faut bien rentrer avec. Oui. Ah non, mais moi je parle pour quand on y retournera. Bah, si on peut aller plus vite en mais bateau. Les chevaux peuvent monter sur le bateau, hein. Enfin, souci. Mais oui, mais on va contre courant là. Bah. Ça dépend. Ah ouais, c'est pas faux. Ah, mais faut voir. Le bateau le peut quand même aller plus rapidement. Il faut voir. On remonte le fleuve. Donc... Avec des bons rameurs, ça se passe, hein. On verra. On verra sur le moment les opportunités qu'on a. Je suis sûr qu'on peut savoir ce qu'est le fleuve. De toute façon, le fleuve, il faut savoir qu'il est utilisé dans les deux sens, du coup, pour le commerce. Et notamment dans le sens export de la ville, donc. vu que les premiers de marchandises en fait arrivent par le port et ensuite s'exportent au niveau de la région par le fleuve. Du coup, je pense que s'il y a un courant, il est pas trop fort quand même. Je pense que les deux solutions se valent. Nous verrons après laquelle est la plus rapide. Et de toute façon, si on veut transporter des troupes, vaut mieux un bateau que des chevaux. Mais pensez réellement qu'on va arriver avec une centaine d'hommes. Je suis de retour. Non, mais sans avoir une centaine d'hommes, ce sera plus simple en bateau qu'en cheval. Alors, Yoritomo proposait non pas de rentrer maintenant en bateau, mais de revenir. En fait, on rentre à cheval, en ville, et de la ville, on prendra un bateau pour aller plus rapidement sur les lieux. Tu remontes le courant, donc ça te prendra autant de temps que cheval, pratiquement. C'est ça. Ok. D'accord. Ah, mais écoute. Si on gagne 2 minutes, c'est toujours ça. Non, mais après, déjà, on va ça. À cheval, c'est clair. Déjà. Ouais, il est énervant le moto là. Déjà, avant toute chose, il faudrait déjà qu'on arrive à convaincre d'envoyer des troupes avec nous. Ça, c'est pas fait. C'est ça. Parce que là, on parle déjà de revenir, mais on sait même pas si on va revenir avec des gens. Donc, si on revient pas avec des gens, on reviendra avec des barils explosifs. Ouais, d'accord. Tu vas faire péter les villages, tout le monde va crever. Non, je vais faire péter les Ronin, c'est pas pareil. Ouais. Du coup, on passe la nuit et puis on s'en va le matin à la fraîche, quoi. Très bien. Donc, vous êtes servi avec déjà. La nuit, l'homme vous sert une bonne portion de riz pour vous donner des forces demain. Et là-dessus, Moto, toi, tu vois qu'il y a le petit de quelques années, là, de 8 ans, qui te regarde avec la bouche ouverte et il se lèche comme ça. Et il a la bouche ouverte et il te regarde bien en train de manger ta portion de riz. T'en as plein dans la bouche et tu commences à avoir les joues gonflées. Voilà. Bah, après. Allez. Oui. J'ai plus très faim. Il a plus très faim. tu lui donnes la bouffe. Bon, pour ce qui reste. Donc tu lui donnes le reste de ta portion. Tu vois que il sait pas trop comment réagir, mais il. Avec beaucoup de hâte. Et là, t'as son grand frère qui vient. Donne-moi-en. Etc. Tu vois que bon. Je fais partage. Oui, bon, du coup, il partage, etc. Pareil, vous voyez qu'il y a cette jeune fille qui a 17 ans, qui a l'air d'avoir morflé. Hein. Elle a vraiment morflé. Hein. Vous dites, putain, ils sont pas doux, hein, les gars. Ils sont allés quand même très violemment contre une émine. Et ça, c'est un déshonneur pour un samouraï de frapper une femme, quelle que soit la raison, d'une manière à la défigurée. Ah, d'accord. Voilà. À ce point-là, vache. Je t'ai dit, elle a un œil au beurre noir, mais des nions. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ça, effectivement. Donc le lendemain, vous êtes réveillé par le chant du col de Basse-Cour. Vous réveillez, vous vous levez, vous mettez sel, vous êtes reparti. Cataclope, cataclope. Vous arrivez en début de midi, enfin midi à Sunda. Hein. Vous avez pris un peu de temps parce que les routes ne sont pas non plus tip top. Vous arrivez. Vous avez reçu une lettre à Ida Fujikawa, enfin à la maison de Ida Fujikawa Shirai. Vous apercevez tous que c'est une très belle écriture, très calligraphique, etc. Ça récapitule tout ce qui a été dit avec votre patron, hein, Kuni Ayesu. Kuni Ayesu veut et vous oblige à ne pas divulguer quoi que ce soit sur la Mao à qui que ce soit. il ne veut pas que le bruit comme quoi Otsukai traîne en ville. Donc l'enquête devra se faire, mais avec le plus de discrétion. D'accord ? Discret quoi ? Discrétion. De plus, il a appris que l'un d'entre vous, comme on dit, donc Moto Garbatar, pour le coup, il te dit qu'il te paierait, il paierait à Kuni Shiranai les soins, du moins les besoins que tu as sur la teinte, car il est responsable de toi et du coup, il paierait tes médicaments. Et dernière chose, il dit bien que le travail sur l'incendie est clos pour lui. Si vous n'avez pas d'autres trucs à dire dessus, il pense terminer l'affaire en disant que c'était un accident domestique. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est on a pas fini l'enquête. C'est vrai qu'on n'a pas, avec tout ça, on a pas forcément pu s'intéresser plus avant sur ce qui s'est passé. Sur sa tombe. Puisque on s'est dirigé très vite vers le problème de souillure et de démons, si je puis dire, d'esprit. Du coup, on a un petit peu mis tout ça entre parenthèses. Est-ce qu'il faut statuer tout de suite sur l'enquête, ou c'est possible de peut-être mettre ça entre parenthèses pour l'instant et de revenir plus tard dessus, ou pas du tout, ou c'est vraiment maintenant? Tu veux faire une rencontre avec lui pour lui? De toute façon, on va réouvrir l'enquête au cas où après, hein. Mais là, on a d'autres choses à faire que réouvrir une enquête sur un étranger. Ce que j'ai compris, vous voulez quand même recruter des. Et pardon, ça, tu sais qu'il y a que très peu de personnes qui peuvent enrôler une certaine compagnie de crab pour certains services. D'accord. Si on leur promet de la castagne, ils devraient venir d'eux-mêmes. Oui, non, c'est pas après, faux. Après. J'aurais envie de lui dire que il en va, je pense, de la sécurité de la ville, de s'occuper de ce groupe, car si... La sécurité du commerce. Du attention. Commerce, mais même de la ville, puisque en l'espace d'une journée ou deux, il y a déjà eu deux morts qui ont été dues à la souillure et qui sont dues à la même personne, qui est l'homme au chapeau de paille, qui a un rapport avec ces Ronins. On ne sait pas encore les intentions qu'il a. Peut-être que ça pourrait très bien dégénérer et qu'il pourrait s'en prendre. Aujourd'hui, ce n'est que à des commerçants, mais peut-être qu'il pourrait s'en prendre à des gens plus haut placés. Nous n'avons aucune idée là-dessus. Alors, avant toute chose, là, j'ai entendu ce que tu veux dire. Du coup, est-ce que tu veux prendre rendez-vous avec lui pour lui en parler directement? Ah bah oui, pourquoi pas, enfin, genre après... C'est juste que du coup ça va écarter un petit peu le temps, parce que tu dois aller à Quartier Noble, demander un rendez-vous important avec Kuni Kwanai, et il va te faire attendre et... Bah de toute façon, on peut pas... Sans ça, il nous donnera pas l'autorisation d'avoir les hommes. Ah, ça c'est... Oui, ça c'est aussi une chose. Voilà, donc... Encore que tu pouvais recruter des mercenaires, après... Ouais mais on n'a pas nous les moyens de recruter des mercenaires. Bah si. On a des moyens, nous. Un coucou, ça recrute les mercenaires que tu veux. Hein. Ça recrute pas pour un mois, mais ça recrute. Facile. Ça recrute pour une expédition, un coucou. Hein. Ouais, mais pas alors, cas, mais... Mais quel genre de mercenaires? Des mercenaires qualifiés ou des petites frappes tout pourries Non, parce que c'est pareil, on a affaire à des Ronins. C'est des Ronin. C'est des Ronin, donc c'est pas non plus des neuneux, quoi. C'est des samouraïs qui ont perdu le. Au revoir, les crabes, on leur promet de la castagne, ils viendront. C'est comme ça. On pourrait aller au dojo. Sûr qu'on peut trouver des. Je sais pas si. Si on va voir le CNC, peut-être qu'il pourrait nous aider pour ça. Bah, c'est... Ah, c'est. Ouais. Écoutez, comme vous voulez. Moi, voir la caserne, hein, comme on a dit. Non, mais la caserne, on peut pas. On peut pas les. La caserne, ne bouge pas. Il nous faut, pour la caserne, il nous faut un papier, quoi, quelque chose qui nous donne l'autorisation de les approcher. Sinon, on ne peut pas. Autant aller voir le sensei. Il nous a dit que si on avait besoin de son aide, il pourrait nous aider. C'est mais oui, fou. Mais notre sensei là, comment il s'appelle? Ah, Ida Senji. Oui, Ida Senji, oui. On jure qu'il pourra nous aider si on va le voir. Eh bien, écoutez, allons-y. Avant que je fasse un rendez-vous, on veut dire que le rendez-vous sera l'ultime truc. On prend le temps de aller voir le sensei. Ok, vous allez voir Ida Senji au dojo. Vous montez ces longues marches et vous arrivez tout en haut. Et vous êtes accueilli du coup par Ida Senji. Hein. Vous demandez rapidement un rendez-vous, ce qu'il fait évidemment. Il arrête tout ce qu'il a prévu. Il vous demande qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous fassiez un déplacement aussi vertigineux jusqu'à cette école pour venir juste me voir. Est-ce que vous voulez encore vous entraîner, c'est ça? Vous êtes bien motivé, dis donc. Cette fois-ci, nous devons passer à, comment dire, à la pratique. Nous aurions besoin de renfort, dirait Ida Sensei. Je crois qu'il est tout... il t'écoute. Nous sommes tombés sur un os, on va dire, depuis que nous enquêtons sur une affaire de souillure et de mort. Nous avons affaire à un homme à un chapeau de paille assez mystérieux qui laisse des cadavres derrière lui. Nous avons rencontré des. Alors, ça s'appelle comment là, l'espèce de démon là des... Oni. Nous avons rencontré un Oni. Un Bakemono. Un Bakemono. Que nous avons dû affronter avec une grande difficulté. Un Jigoku même, précisément. Et il s'avère que cette personne a l'air de fomenter des plans assez sombres pour la ville, notamment dans le quartier des marchands. Et nous sommes allés en dehors de la ville et nous sommes tombés sur un village qui était... acculé par un groupe de ronins qui a priori travaillent pour ce chapeau de paille. J'ai bien peur que ces plans soient orientés très fortement sur la ville et que d'autres morts viendront si nous n'agissons pas assez rapidement. Ah, tu vois qu'il t'écoute et il secoue la tête et il dit « Si il en va pour la sécurité de Sunda et que ce que vous dites est la vérité vraie, je vous crois totalement. Je ne vois pas pourquoi vous mentirez sur une telle histoire. Il est bien vrai qu'il faut retrouver cet homme et l'arrêter sur le champ. Du moins, savoir ce qui comptait manigancer et arrêter ce qui s'était préparé pour la cité. » J'ai quelques disciples du temple qui ont besoin de faire leurs preuves. Peut-être serait-ce temps pour eux de faire un peu d'entraînement sur le terrain. Oui, je pense aussi. En connaissance de la qualité du maître que vous êtes, je suis sûr que ce que vous nous envoyez vont être fort utiles pour que nous réussissions à défaire ces ronins. Combien sont-ils? Donc, tu vois qu'il te dit... je pense que 8 apprentis de l'école seraient bien assez. Oh, c'est amplement suffisant. Amplement, exactement. Donc, il te dit qu'ils vous attendront à la porte du nord, enfin la porte qui est à l'est, à droite, pardon, oui à l'est, mais c'est la porte nord parce que la ville est dans l'autre sens. Mm-hmm. Voilà. Ils vous attendront à la porte nord d'ici quelques heures, le temps qu'ils se préparent pour une confrontation. Par contre, ils sont à pied. Ils sont à pied. Ouais. On va peut-être essayer de voir pour dépêcher un navire pour y aller le plus rapidement possible. Donc, hop. Un navire. Oh, tu vas à la capitainerie et tu commandes un petit navire. Tu veux mais... Ouais, je dis que c'est pour une affaire de Yuki. Tu vas faire un petit test de navigation. Chaque succès t'apportera un navire de grande taille supérieure. Et chaque opportunité t'apportera des membres d'équipage supplémentaires. C'est génial. Alors. Sachant que à un succès, t'as une barque. Hein. À deux succès, t'as au moins un petit Freleski. Un truc qui peut transporter tout le monde, là, t'es sûr. Allez. Magnifique. Ah ouais, mais là, je suis découvert si je prends tout. Bah, il te faut combien? Il te faut deux succès pour avoir. Un petit truc, ouais. Ah mais deux succès pour avoir quelque chose qui nous amène tous. C'est ça? Ouais. Ou c'est un succès pour avoir une barque et deux pour avoir un truc qui nous emmène. Allô? Oui mais il prend deux succès, c'est suffit. Je prends un gros truc. Je prends deux succès et je prends le succès avec opportunité. Et le succès simple. Enfin, je prends les succès sans conflit. Les deux succès sans conflit. D'accord. Et avec l'opportunité pour avoir Tu réquisitionnes un petit bateau de pêche. Un petit truc, mais tu vois que si on sert bien, 8 plus vous 3 plus l'homme qui pilote. Ouais, on se fait petit quoi, on n'a pas. Voilà. Pas besoin non plus là. Donc. Après ce petit détachement, vous avez après avoir retrouvé le petit détachement, vous voyez que c'est vraiment les jeunes hommes qui ont envie d'en découdre. Hein. Ils ont tous entre 14-15 ans, tu vois. Et pour eux là, ils ont vraiment envie de faire leurs preuves. C'est la puberté ou quelque chose, parce que là, tu les sens, ils sont prêts vraiment à directement. Tu leur dis, il faut taper quelque chose, ils le visent, ils le tapent. Ouais, enfin après. On est bien d'accord que 14-15 ans chez les crabes, c'est des beaux bébés quand même. Hein. Ils sont grands, ils doivent faire dans le mètre 80. Là voilà, où toi, à 15 ans, tu faisais le mètre... À 14 ans. Mais oui, non, mais c'est des crabes. Attends, nous, on n'est pas... Voilà, c'est pas la même. On dirait qu'ils sont genre... Ils sont pas plus âgés que moi. Enfin, ils sont un peu moins âgés que moi, quoi, genre. Ouais. En tout cas, moi, je vais juste... je sais plus si j'aime un mot. Ils sont pas fait le Genpoku, encore. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore samouraïs, techniquement. Oui, mais bon... Ils s'entraînent pour, quoi. Ils ont un maître qui est quand même... Quand on voit comment il nous a mis mal, je pense que si eux, ils l'ont tous les jours, ils doivent se le taper tous les jours, bon... Eh ben, dès qu'ils vous voient, tu les vois, il y a... En avant, ils disent « Salut !» Tu vois, clairement, ils hurlent dans... Tout le monde vous regarde. Il y a toute la population qui regarde et tu vois qu'il y a les 8 qui se mettent à vous saluer en unisson. Et ils sont vraiment très ordonnés et dit ensemble, vraiment tous en commun, c'est-à-dire que là, c'est que d'une seule voix, il vous dit « On est prêts à rentrer à votre service, il y a Samoa San !» Ouais, ils sont disciplinés, tu sens que... Prenez soin de nous, Samoa San ! Hors sujet, mais je voudrais savoir si j'ai pu avoir le temps de récupérer mon destrier, même s'il fait remonter sur. C'est bon, je l'ai. Oui, tu l'as. Enfin, tu vas pas aller avec dessus sur le bateau là. De quoi ? Il y a pas assez de place pour le bateau, mais on peut pas. D'accord. Je parle dessus. On y rentre juste à peine nous à pied, donc. Ok, désolé. Bon. Bah. Mais. C'est avec cette belle troupe que vous prenez la navigation, hein. Oui, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Ouais, je voulais juste dire que je les salue en retour et que je leur dis que je ne doute pas de leur vaillance et de comme quoi nous allons réussir ce que nous allons faire. Mais néanmoins, restez prudents. Ah ouais. Des racailles de la pire espèce. Des racailles, c'est des ronines, voyons. Bah du coup, on s'en va. Après, on peut continuer à discuter pendant que le bateau il avance. Hein. On est pas... Oui, c'est ça. Mais tu vois qu'ils restent assez stoïques et tu les sens, ils sont excités. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Gardez bien à l'esprit et l'enseignement de votre sensei. Tu vois qu'ils sont quand même droits et stoïques. Hein. C'est vraiment, tu leur dis ça, oui, oui, tu vois, qu'ils se martèlent dessus depuis l'enfance et là, ils vont pouvoir enfin faire leur preuve devant leur père en plus. Tu vois, ils sont. Ouais, ouais. Rendez fier votre sensei et rentrez sans une seule égratignure. Vous prouverez votre talent. Ouais, y en a un de vous qui rentre quoi. Non mais alors toi, il faut les galvaniser. Et toi tu nous racontes des saletés. Arrête, il faut canaliser nos troupes. Là, tu vas pas dire que CNJCC vous a bien formé. Hein. Écoute. Et là, vous commencez à arriver au niveau du village. Il est encore. Il est encore quoi prévu. J'ai pas entendu. Il fait encore jour. Encore jour, ouais. Le bateau est allé un peu plus vite que prévu. Vous débarquez directement, mais vous attendez pas que vous arrivez sur le ponton. Vous débarquez. Car les hommes en question sont sortis un peu de leur truc et ils sortent, là ils ont pas de torche hein, mais ils sortent un peu de leur petite cabane, tu vois qu'il y a toujours le même mec qui a les bras dans son kimono avec son sabre qui claque sur sa cuisse et t'as les Ida qui prennent le bateau qui le font arriver sur la berge et débarquent très simplement. Vous attendez juste qu'ils rapportent le bateau, donc c'est eux qui se mouillent. En même temps, ils ont pied dans le truc. Hein. Vous débarquez, vous sautez du bateau. Là-dessus, avec Leïda, vous êtes 11. J'ai pas compté Yuma, vous serez 12 normalement, mais bon, vous êtes 11. Ils sont une douzaine. Vous les regardez droit dans le blanc des yeux. Ils débarquent comme ça. Avec leur sabre. Ils sont tous rangés, mais vous les voyez un petit peu en confiance, ils vous regardent, ils rient un peu. En regardant de plus près, il y en a le même type que la dernière fois, celui qui vous avait un peu. Qui s'est un peu moqué de vous, qui s'avance. Qui s'avance vers vous, en premier. Et il dit Samouraï, je croyais que vous ne reviendriez pas et. Cette chose est faite maintenant. Vous voulez vraiment nous combattre? Je tire. Voulez-vous vraiment nous combattre? Ou allez-vous vous confesser maintenant et nous dire exactement ce que nous voulons ou bien nous vous ferons dire d'une manière. Tu vois, il se gratte l'oreille. Pardon, excusez-moi, confesse. J'aime bien ça. Alors moi, je discute même pas. Je sors le katana et je le fixe. Et dis, l'heure n'est pas à la discussion. Maintenant, il est temps pour vous de mourir. Écoutez, on peut régler ça simplement sur un duel d'honneur. Je tire. Tu tires dessus. J'en ai marre, moi. Ok, tu vas faire un. Alors, ce sera avec initiative. Et moi derrière pendant qu'il fait enfin il songeait, moi je crie faites honneur à votre sensei. Bah tu vas voir. Alors j'ai oublié Miroto pardon, j'en avais une barre. Je vais pas le faire jouer en PNJ, j'ai pas envie de tuer. Donc tu vas commencer à. J'ai pas envie de le tuer. Ouais, bah ouais. Ouais, non, merci. C'est bon pour nous, ça. Bah, c'est du samouraï, hein, les gars. Ils sont quand même à quelques années plus que vous. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que vous. D'accord, je serai bien. Donc, Yoritomo, toi, tu décoches ta flèche sans demander à personne l'autorisation. Tu vas vraiment que toi, t'es. Qu'est-ce qu'il y a? On se frite maintenant ou on a le temps de prendre le thé? Attends, c'est des Ronin, ils ont pas d'honneur. C'est bon, je vais pas attendre qu'on finisse de boire le thé. Bah, du coup, tu vas faire un test, c'est martial distance. Tu vois l'attaque à distance. Ouais. Et tu dois choisir ton anneau. Ok. Ton anneau de départ, c'est-à-dire l'anneau sur lequel tu vas faire tous tes jets jusqu'à même l'initiative. Donc, ouais. Justement, l'initiative, c'est forme physique. C'est forme physique, mais l'initiative, c'est après. D'abord, faut que tu joues. tu attaques. Okay. Ouf. C'est quoi déjà que je suis découvert? Je rappelle, t'as un truc, c'est plus de flèches aussi. T'as un kata. Ouais, ouais, je sais, mais justement, c'est... justement, je me demandais, c'est quoi déjà découvert? J'ai... Ah, découvert, en fait, ce qui fait une chose, c'est que là, ça se compte pas pour ce jet, mais pour tous les autres jets. Déjà, tu as ce qu'on appelle, t'as perdu ton masque, c'est-à-dire que clairement, t'as perdu la face. Là, ça va bien dans le thème, c'est-à-dire vraiment, sans foi ni loi, tu te retires des flèches dans la gueule. Bah, en même temps, c'est ce que t'as fait, t'as décoché sans même avoir un... Voilà, donc, genre, t'as pété un cap, quoi. Voilà, non, mais c'est clairement, tu l'as tué comme le ferait, comme sur un, ce que tu ferais sur un chien ou n'importe quel animal. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'au prochain jet, tous les autres jets, tu n'as pas le droit de prendre les jets où il y a une flamme. D'accord ? D'accord. Mais par contre, là, je te dis... Avec tout ça, tu peux tuer au moins 2-3 mecs, là, avec ça. Chou, chou, chou. Attendez, excuse-moi. Ah, je sais pas, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. Non, mais je vais tout prendre. Allez, attends. Le truc en plus, l'effet, la nuée de flèches, c'est que je prends des points de conflit égales aux dégâts de l'arme. Donc, pour moi, je pense que je vais te faire du déshonneur. Hein. Parce que là, t'as pris tellement de points de conflit dans ta tête. Ok, d'accord, bah tu lui as clairement enfoncé ta flèche. Dans le bas du. Elle a percé ses vêtements et tu le vois saigner abondamment. En fait, tu viens lui percer clairement le foie avec ta flèche et tu le sens commencer à tomber sur le côté et à saigner abondamment. Et il fait ah. Je ne digérerai pas celui-là. Et tu vois que les mecs qui sont là, ils commencent à reculer un petit peu. Hein. C'est pris comme une flèche et. Parce que là, tu as blessé le chef du groupe quand même. Ouais. Donc, si lui vient à tomber, on va dire que le chef c'est censé être normalement la personne la plus forte de tous les ronins qui sont présents. Donc, si le chef tombe, logiquement il doit quand même avoir un contre-coup sur les autres qui sont là. Ah, techniquement, ils vont peut-être pas tous s'engager dans le combat. Tout du moins, ouais. Je prends l'initiative. Donc, vous choisissez un anneau de départ et vous le faites avec, je crois, c'est. J'ai oublié le nom de la carte STI. C'est tactique. Non, tactique. Okay. Ouais. C'est tactique pour l'initiative. Ok. Yeah, j'ai zéro. Non, oui, t'as zéro parce que t'es. Ouais. Du coup, tu passes après tout le monde. Donc toi, t'es en moins un, comme on dit. Bah, je vais prendre en terre. En terre ou en feu La terre, ça te permet de recevoir plus facilement. Le feu, c'est vraiment pour faire un assaut. Hein. Ouais, bah je vais prendre terre alors dans ce cas-là. Tactique terre. Comment c'est là. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais, mais c'est l'initiative. Hein. Oh merde. Bah, c'est pas mal ouais. Quand même. Je t'as 3 quoi. Alors, ça marche quand même. L'opportunité que tu as dans l'initiative te permet d'augmenter de 1 que tu feras sur les dégâts qui seront infligés. D'accord. Si je t'inflige des dégâts, bah, tu réduis de 1 les dégâts. D'accord. C'est pas mal. Mais entre parties, tu commenceras en premier, je te mets un plus 2 comme ça. Mais normalement, tu vois, tu prends 2 dés. Donc je pense que tu vas prendre 3 dés, pardon. Tu prends les 2 réussites plus la réussite avec le succès, donc ça fait 3. Voilà. Avec l'opportunité. Et d'ailleurs, Boto, petite question. Oui. Je peux prendre mon opportunité quand même. Oui, celle qui s'en est, oui, tu peux. Ouais, voilà. Bah tiens, comme c'est l'eau... Pour réduire le conflit. Non, l'eau te permet de ignorer le terrain. C'est-à-dire que là, par exemple, si t'étais sur l'eau ou sur un banc ou sur la boue, bah tu ignores le terrain totalement. D'accord. Mais ça... Ah non, ça te permet... Ah oui, surtout oui. Ça te permet que quand... Tu as une action, tu peux faire une deuxième action si elle n'est pas, si ce n'est pas un jet. Donc par exemple un déplacement. D'accord. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Moto, À toi, ah, on attend le rêver. Et il est bien silencieux. On va jouer. Donc. Alors, un G2. Alors, pour l'initiative. Tactique. Et tu choisis ton élément. On a pro. Voilà, je pense que je vais partir sur le feu, très clairement. Donc, tactique feu. Hop. Ouais. Hop. Une réussite te suffit. T'es pas obligé de tout prendre. Ouais, je vais pas prendre l'opportunité. Ouais. Donc, ce qui se passe, Miromoto, tu vois qu'il est, il est en train de se remettre sur ses pieds. Il sort son katana, le type qui était au sol, te regarde très nettement, Yoritomo, et ensuite il va sur Moto et il dit à l'assaut comme ça, Tansgeki. Et puis tout le monde fait ils sont complètement fous. Et tu les vois commencer à venir. Bon, il y a les Ida qui vont venir en blocos. On est le mur de fer et on se met là. On est le mur, on est la muraille Ida, et ils se mettent bien en avant et justement un énorme bloc pour faire face à plusieurs attaques. Ouais. Mais entre parties, toi, tu peux agir. Donc tu peux dire bah, j'attaque qui je veux, etc. Ben, sachant qu'ils vont certainement aller du 1 contre 1 vu que vous n'êtes pas assez nombreux. Eh bien, dans ce cas-là, si je peux faire en sorte de mettre un coup dans le combat, c'est-à-dire de peut-être briser certaines personnes, je vais essayer d'aller achever le chef. Ok. Est-ce que tu veux le faire en duel ? Entre guillemets, tu peux provoquer l'adversaire pour faire du 1 contre 1. Alors, tout en sachant que lui, il est quand même vachement diminué. Et il est à terre. Non, mais... Mais ça, ouais. Ouais, c'est diminué, t'as tout à fait raison. Même, j'aurais pu te le dire parce qu'il y a une action que tu peux faire là dans les escarmouches, c'est challenge. Donc tu dis à un type, bah, on va faire du 1 contre 1. Si l'un d'entre nous gagne, c'est-à-dire tue l'autre, bah, vous gagnez chacun un repas avec de l'honneur et de la gloire. C'est un peu ça. Ouais, ouais, enfin bon, après je vais aller challenger un mec qui est déjà aux portes de la mort. Genre bon, il n'y a pas d'honneur. Oui, bah, Il y a zéro, mais par exemple, je t'aurais dit, tu challenges un mec, bah, t'aurais 5 points d'honneur à gagner si, ouais, si ouais, tu ouais. pas. Tu vois, c'est un exemple. Ouais, mais là, du coup, il est vraiment affaibli, il se remet un peu sur ses pieds. La flèche est vraiment. En son temps, il ne peut pas la retirer. Ouais. Donc, il est obligé de combattre jusqu'à son dernier souffle, du moins dans les quelques minutes qui suivent. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ? Quelle est la première action ? Est-ce que tu. Tu le découpes ou... Ah bah je vais l'attaquer je vais l'attaquer quoi. D'accord, donc il faut avoir deux succès pour le toucher et c'est en art martial mêlé avec le même anneau que tu as... Bah le terre quoi, donc voilà. Ouais. Oh là là. Donc il faut deux succès. Donc bah écoute, je vais prendre celui avec le conflit, plus ouais. celui qui est machin là. Alors, du coup, celui-là, je peux le relancer ou quoi ? Ça se passe comment ? Ouais, tu peux le relancer du coup si tu l'as choisi. Alors, c'est le roll ring, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu le gardes ? Bah, je vais les garder. Je vais les garder. Je vais les garder. Ok. Et je peux relancer aussi encore là ou quoi ? Non, ça non. C'est mort. Bon, bah je vais garder les trois là du coup. Pareil. Celui avec le succès tout court, celui avec le gros succès et celui de fin. Ça fait si bon ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça fait combien de succès pardon ? Ça en fait 3. Ok, donc tu lui fais 3 dégâts plus les dégâts de ton arme. Donc en total ça fait 10 points de dégâts, d'accord ? Ouais. Techniquement, sauf s'il fait un jet de malade mental, là tu le termines. J'ai des relances. Oui, il est quand même bon. Hein, Ouais. Alors, une opportunité et un succès. Ça ne suffira pas, même si je prends tous les succès pratiquement. Ok. La blessure est très profonde et l'handicap beaucoup. Il recule, tu vois, qu'il transpire en voyant que tu arrives vers lui. Et tu vois qu'il tremble du sabre et dans un souffle, il dit Xama. Et tu vois qu'il allait te donner un coup énorme vertical quand tu lui tranches le bras d'un seul coup sec. Et tu vois qu'il hurle à la mort quand tu lui as tranché le bras. Il se tient le poignon. Ah, comme ça, il a un hurlement primaire. Tu vois qu'il tombe au sol et se roule par terre avant de succomber à une hémorragie. J'avais pensé à un truc au départ. Mm-hmm. C'était que je l'imaginais bien foncer dessus. Et essayer d'anticiper son mouvement, lui donner un grand coup de pompe au niveau de l'estomac, donc là où il y avait la flèche, pour que ça appuie limite à l'endroit où il y avait la flèche. Donc du coup, il se plie en deux. Et là, comme t'as fait un jet d'art martial, c'est vraiment dès qu'il t'a coupé, hein, c'est pas je donne un coup de chaussure, mais on peut l'interpréter comme ça. Mais ouais, là, après plutôt, c'était plus dans le côté le théâtral du chose pour le rendre un peu. Après, moi je voyais plutôt, il voulait t'attaquer en vertical, puis toi avec ta lame, tu viens lui couper le bras, quoi. Ouais, bon, écoute, on va faire comme t'as dit alors, on va faire comme ça. Je lui. Mais oui, je suis le MJ, j'ai le droit de dire ça. Ouais, mais après je voulais faire une belle mort. Bah, c'est une belle mort, hein. Un tranchage de tête. Bah là, tu peux aller au sol et lui couper la tête. Ouais, mais maintenant qu'il est par terre, c'est même pas drôle. Il est décédé. Excuse-moi. Et directement, il y en a un qui vient vers toi et commence à t'engager en combat singulier. Ting, ting, tu commences à échanger quelque chose. D'accord. Et c'est au tour de Moto avant que ce soit le tour des Ida. Ah, c'est à moi. Ouais. Bon, donc on est d'accord, le chef est out. Ouais. Donc, il reste. Enfin, c'est dommage parce que moi aussi j'aurais bien voulu prendre part du gâteau, hein, mais puisque je suis avec des égoïstes, hein, bon bah je prends de random Ronin numéro 455. Donc, hein, je suis avec le feu, hein, je fonce, j'attaque avec mon cimetière et je cherche à trancher le premier que je vois. Hein. Ouais, ouais, t'y vas à fond quoi. Voilà, donc j'imagine attaque mêlée, feu. Ouais, feu. Du coup, chaque conflit que tu garderas sera un succès supplémentaire. Donc, d'un coup, tu arrives avec ton cimetière, tu vois qu'il est préparé et il est quand même bien. C'est costaud quand même, hein. Tu sens que c'est pas un paysan, ça a l'air d'être aussi un ancien samouraï, mais lui, il a choisi la voie de la déchéance. Quant à toi, tu arrives avec ton cimetière et tu commences à vouloir le faucher. Tu vois qu'il va essayer, hein, je veux dire essayer de s'en tirer. Tu arrives vers lui et bien là, tu vois qu'il a essayé, il t'échange deux coups avant que tu arrives et que tu commences à lui mettre un énorme coup au niveau du bras et ça l'a fait une énorme estafilade. Tu vois qu'il commence à reculer et puis tu baisses ton cimetière, ce qui frappe le sol, qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Et tu le vois vraiment se faire littéralement éviscérer, trancher à la verticale. Ses tripes sont répandues au sol avant qu'il tombe lui-même complètement tranché, hein, d'un coup mortel. C'était pas très joli à voir. Ouais. Bon. Tu le vois... ouais. Tac. Et du coup, avant ça, il y a les Ida qui sont en train de se battre. Donc ils sont moins nombreux maintenant, les Ida sont 8 et eux ils sont encore alors si je me rappelle il y en a deux tombés, hein, c'est très bien, donc il en reste 9. Donc les Ida commencent à se battre en 1 contre 1 et vraiment ils ont l'air d'avoir une force de frappe. Vous voyez qu'il y en a, c'est à la Obélix, hein, c'est-à-dire quand ils donnent un coup les mecs ils volent, tu vois. ils font du cricket, donc ils commencent à se battre, mais ils sont aussi, ils se pètent. Des Tetsubo ou des... Okay. Vous voyez qu'ils commencent à se battre. Certains se prennent quand même des coups. Et il y en a certains qui sont quand même un petit peu blessés, hein, par certains samouraïs. Mais c'est pas pour ça qu'ils perdent l'avantage. Il y en a un qui est contre toi, Miyamoto. C'est le neuvième, hein, mm-hmm. qui est contre toi. Et tu vois qu'il a son sabre et... Toi, tu en as deux, hein, techniquement, tu vois, tu te bats de sabre. Ouais. Donc, tu vois qu'il a son sabre, il marche sur le côté, tu vois, cherchant le meilleur angle pour essayer de t'avoir. Puis enfin, il se décide de t'attaquer, te prenant, hop, pas forcément par surprise, mais tu t'y attendais, mais pas, pas forcément une attaque directe. Ouais. Et tu vois qu'il a l'air, mais vraiment dans l'optique de soit s'empaler sur ta lame, soit te trancher. Et que là, ça passe ou ça casse. Donc d'ailleurs, j'ai fait un jet en. Alors que c'était pas en. Ouais, bref. Ah, deux. Tac, tac. Donc là, je te touche, d'accord. Et tu vas faire ce qu'on appelle un jet d'athlétisme. Avec l'anneau que tu as actuellement. Alors, athlétisme, c'est... Ouais. Forme physique, c'est ça ? Forme physique, tout à fait. Sachant que comme tu avais une opportunité, tu réduiras 1. Et voyons voir ce que tu as comme succès. Voilà. Ouais. Oh là là, donc tu as 3 succès. 3 succès. 4, hein. Alors, il a Masakiri. Ah, tu, je te dis. Non, mais les 3 succès suffisent amplement. C'est surtout qu'il réduit et. Du coup, tu perds sur ton endurance 2 points. D'accord. Tac, tac, tac. Si je me trompe pas. Comme il a quand même un effet mortalité mais des résistances, ouais. Ça t'inflige que 2 points de dégâts. Alors par contre, je sais pas comment la descendre, je la change dans mon... C'est fatigue. Excuse-moi. D'accord. Voilà, tu remontes. Si ta fatigue est au-dessus de ton endurance, oui. Si elle dépasse, du coup tu prendrais des coups donc mortels. Donc je prends 2 points de fatigue. Voilà. D'accord. Et si c'est au-dessus, tu prendras des coups mortels. À la même instar que le conflit, seulement les coups mortels, c'est genre je te crève un œuf. D'accord, ok. Bah pour l'instant, tout va bien. Je pense que t'es large. Hein. Donc tu vois, voilà, et t'as fait une petite estafilade au niveau de. Tu saignes un peu, tu vois, ça coule, et tu vois qu'il en rigole un peu, et il te dit allez, viens que je te rase. Hein. Il te dit ça le fumier en japonais, je sais ouais. Pas. Sama Kaido. Comme ça, il te parle. Espèce de... Je sais pas comment on dit... Je m'en souviens plus comment on dit... Je sais que fils de pute, ça se dit bien, en plus. Ouais, enfin bon, on a compris le Ouais, on a compris. Dommage. Du coup, c'est Yoritomo. Ah, bien. Ils sont pas morts. Bah, ça se bat pour l'instant. Ça s'échange des coups, mais sans leur chef... qui a l'air d'être le plus important, c'est un peu plus la cohue chez eux, quoi. Alors que vous êtes très ordonné avec les. Bah, je me déplace un peu pour mettre un peu en hauteur, tu vois, au niveau, peut-être sur la barque en mode surélevé, quoi. Surélevé. Ouais. Ouais. Et je retire une salve de flèches. Vas-y. Commande. Si je me souviens bien, ça marche. Ça fait que un succès, ça. Ouais. 2 succès. Ah non, mais il peut plus prendre les trucs avec les conflits, lui, non, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as perdu la face et jusqu'à la fin de la scène, tu peux pas prendre les trucs avec les. Donc tu commences à aborder ton arc et tu rates ta flèche. Malheureusement, celle-ci part très loin. Tu dis fort heureusement que t'as pas touché Aida dans la cohue. Donc Mirumoto, toi, tu recommences à te remettre en position, bien que le coup t'a touché, tu n'es pas mortellement blessé. Voilà. Donc, que lui inflige-tu comme châtiment pour avoir osé de blesser un Yoriki dans ses fonctions? Bah, du coup, moi, je vais prendre les deux. Hein. Plus un point de conflit. Ouais. Alors, je te le dis tout de suite, tu peux essayer Bullseye. Les 2 opportunités, ça te permet de faire un coup critique. Si tu en gardes 2 et que tu touches. Le coup critique, en fait, ça passe au-delà de toutes ces réductions. Et ça lui inflige directement un coup mortel, en fait. Ouais, mais là avec un... Mettons, je garde le succès et je relance, c'est ça, j'ai une relance. Ouais, il faut que tu aies un succès aussi, c'est chaud. Non, pas mal. En fait, techniquement, je pense que sur l'anneau de skill, t'avais plus de chances de tomber sur un bon truc. Ouais, enfin là, ça fonctionne quand même, là. Ouais. Bah là, tu peux relancer. Donc je vais roll ring, c'est ça? Ouais, roll ring, encore une fois. Bon, je me tire. Alors là, t'es pas obligé de le garder. Sachant que là, tu repars quand même avec 2 points de compte. Je sais pas combien tu en es. Moi, j'en ai pas beaucoup hein, pour l'instant, j'en ai que 2. Ouais, wow, là, tu peux relancer encore si tu veux. Là, tu infligeras des dégâts, mon. Ouais, là, en avec soi, t'as déjà... Si je garde tout ça plus les deux machins là, ça suffit pas? Bah, après, si je fais un bon jet sur la. Ça me donne ça. Voilà. Ça me donne 3 avantages plus les 3 succès. Ouais. Donc, 2 des avantages te permettent d'infliger un coup critique à l'adversaire qui sera tout de suite mis en place. Et en plus, tu infliges les dégâts naturellement que tu aurais fait de base. Donc là je prends 3 points de conflit. Ouais, mais je te dis, je pense que, en fait, comme j'ai vu, le katana, je crois que la deadline c'est 7. Hein. Katana c'est 7 la mortalité. Ouais. Sauf, enfin moi je considère que les motos, même si. C'est 7 la mortalité. Les miromotos, comme ils les tiennent à 2 mains, normalement c'est 5 au lieu de 7, mais je considère que ça revient au même. Du coup, moi je vais faire mon petit jet. En martial. Terre. Allez, t'es mort. Et bah totalement parce que tu fais. Alors pour te faire simple, comme ça vous comprenez un peu comment ça marche les combats et si vous voulez le refaire. Là j'ai 0 en réduction, d'accord. Donc je suis obligé de prendre sur ce qu'on appelle la fatigue, d'accord, pour réduire les dégâts. Ouais. Ok. Seulement il me fait, il a 2 donc il touche. Et chaque succès supplémentaire sera un dégât supplémentaire, d'accord. Donc il a touché à 2, mais ça fait un dégât plus 2 dégâts supplémentaires, plus l'arme en question qui est le katana, qui est à 4 dégâts, donc il fait 6 dégâts, comme ça, brut, au-dessus de ma fatigue. Donc là, moi déjà, tu me dépasses mon niveau de fatigue. Ce qui fait que je peux pas réduire le dégât que tu m'infliges et que tu m'infliges une mortalité. Donc, ça veut dire que là, concrètement, j'inflige 7 points de dégâts mortels, ce qui équivaut à ce que tu me coupes quelque chose, ou crèves un œil. Ouais. Et c'est pas fini. Parce que du coup, après la mortalité, tu vas infliger un dégât critique, qui est une nouvelle fois, c'est-à-dire que tu doubles les dégâts mortels. Donc là, à 14, tu décapites, en fait. Ouais. Juste. Donc, tu prends tes 2 sabres et comme Anakin contre le Comte de Kou, tu lui fais ouvert le cochon de champagne. Hein, tu le vois tomber rapidement au sol. Là-dessus, tu vois qu'il y a quand même un beau silence dans l'assemblée. Tu vois que les crabes ont vu ce que tu as fait. Et les mecs commencent un peu à paniquer. Ça commence à être la débandade chez eux. Il commence à avoir beaucoup de corps au sol. Quand je termine le mouvement, les 2 sabres, je donne un coup sec des 2 pour que le sang se dégage de ma lame. Ouais, oui, bah j'ai dit propre. Hein. Voilà. Moto, c'est à toi. Donc, alors, tu peux aller aider Leïda. Oui. Donc, je vais me diriger vers celui qui a l'air le plus en difficulté. Lui donner un coup de main avec son contrôle. Tu vas lui donner un coup de main. Donc tu peux faire une attaque, etc. Ah, tu peux attaquer, moto. Attaque. Ouais. Attaque. Attaque. Mords-le. Avec les dents. Maintenant que t'es teint par les Shadowlands. Tu peux attaquer avec des armes Donc il se prend une vilaine blessure de ta part, mais résiste. Il prouve que tu existes. Donc il commence à se battre contre le Ida. Tu vois qu'il est en l'avantage et le Ida commençait bien à se faire persécuter hein, par le. Puis toi tu arrives et puis tu donnes un coup d'épaule et un coup de lame bien placé, ce qui le fait reculer d'un coup. Tu vois qu'il l'a senti passer et qu'il regarde, il a une grosse trace de sang là où il touche. Il te regarde avec son sabre et commence à vouloir reculer et même chercher dans une direction et chercher peut-être une porte de sortie. C'est d'ailleurs le cas d'Eida, et là vous... Clac, des gros craquements vraiment parmi l'assemblée. Le sol commence à être jonché de quelques corps. Il en reste que quelques-uns debout. Et vous voyez qu'ils lâchent les armes. Ils sont quatre, hein, il ne reste plus de quatre sur les douze. Ils lâchent les armes. Et la plupart se prosternent, enfin entre guillemets, se met en position de salut. En exigeant peut-être l'impunité, comme on dit déjà, je sais plus, la miséricorde de votre groupe. Ouais. Mais il y en a un qui cherche à fuir, c'était celui que t'as blessé, Moto, et lui il commence à se tailler en courant. Le Ida que t'es en conflit cherche à vouloir le poursuivre. Est-ce que tu le laisses faire ou qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais même l'accompagner. Tu l'accompagnes? Tu vas me faire un jet d'athlétisme. Très bien. Et forme physique. Je dis discrètement forme physique. À Yoritomo, oh. Mets une flèche dans ton arc. Non, ils sont assez grands pour y aller, pour y arriver. Ah, on sait jamais. Donc, toi, tu commences à courir. Tu commences un peu à t'essouffler, hein. Le mec court vite et vous commencez pratiquement à quitter le village. Et tu poursuis à travers un champ d'avoine, entre guillemets, une plante assez répandue quand même en Bouguenèse. Et tu vois que Ida te suit aussi, et lui il est un peu plus lent, parce qu'il est en armure complète, hein, faut pas déconner. Hein. Peut-être agile, mais faire du sport avec une armure telle que l'armure d'infanterie Ida, c'est facile. Vous commencez à le poursuivre, et puis le type à un moment s'écroule au sol. La blessure que tu as infligée était assez délicate, et il essaye un peu de se cacher. Tu le retrouves parce qu'avec tes deux opportunités, ça te permet pas le quitter des yeux. Et là-dessus, tu vois qu'il dit non, non, miséricorde, s'il vous plaît, samouraï. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je m'ignorerai si jamais tu me dis tout ce que tu sais. Tu vois qu'il transpire énormément, il a l'air pas du tout bien. Et il te dit « Je ne sais rien, malheureusement, samouraï. Oh, j'ai une femme et des enfants. » Je colle mon cimeter à sa gorge. Tu ne connais pas le passeur du mari? Je connais sa famille. Quelle maison? La grande. Est-ce que vous les avez fait enfuir? Est-ce qu'ils se sont enfuis? Non! Ils sont retenus en otage! Et l'homme c'est Gauchon qui voulait les garder en otage! Ah! Donc, tu es en train de m'expliquer que le passeur ne collabore pas avec vous? On lui fait payer pour pas qu'on fasse mal à sa sœur et à sa mère. Très bien. Non, l'homme au chapeau de paille. Il est passé, mais... On a essayé de l'arrêter pour lui extorquer, mais il est passé rapidement. Et qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, il traversait le marais. Et qu'est-ce que, surtout, où est-ce qu'il allait? J'en sais rien, je jure. Ah, t'en sais rien. Là, je lève le cimetière. Ouais. Tu lèves le cimetière, tu vois qu'il met la main devant les... Il est pour se protéger, quoi. Tu n'en sais rien. Je le jure, sur mon honneur. Tu lui donnes un coup sur la tête? Debout et rejoins les autres. Tu vois qu'il a du mal, le Ida le chope par le col. Hein. Il le met debout et il le fait avance comme ça, en lui mettant un gros coup dans le dos. Et tu vois qu'il te regarde, le Ida, avec. Tu vois qu'il a beaucoup de déception dans ses yeux. Tu vois qu'il semble t'avoir déçu et là, ça lui fait du mal. Il a ce regard-là du chien battu qui aurait pu ne se comporter. Donc, vous ramenez tous les prisonniers. Les quatre, hein, les trois, en fait, Kohei et Miromoto. Yoritomo et Miruoto. Moi, j'aurais bien voulu, bah, vu que je suis démasqué, juste les exécuter, en fait. Bah, avant que tu le fasses, en sachant que, bien sûr, nous n'avons pas assisté à ce qui s'est passé du côté de Moto... Ah, mais... Même s'il n'avait pas questionné l'autre, j'aurais fait ça en fait, vraiment. Oui, non, mais avant de les tuer, il faut peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à tirer de ces gens. Genre, tu vas pas juste les tuer sans avoir une information. J'agis en tant que démasqué là, hein, vraiment. Oui, mais... Moi, pour moi, le travail doit être fait, peu importe si je me salis les mains ou pas. Non, ou mais là, tu. Alors, non, pas... attends. Il commence à prendre sa lame, son. Comment ça s'appelle déjà ? Ton Kuma, non, Katana. C'est... Non, l'autre. Okizashi ? Non, l'autre. Kurasigama ? Kurasigama. Tu commences à le prendre, tu vois, et tu enfonces le bout pointu de cette arme dans la gorge du premier, vraiment, et tu le finis rapidement. Là-dessus, Moto, tu comprends que Kuai est hors de contrôle. Tu sais pas ce qui se passe, pourquoi il fait ce genre de choses, mais... Il a l'air mené par des émotions qu'il ne devrait pas avoir. D'accord ? Les Ida, par contre, ne font rien. Ils te laissent parce qu'ils n'ont aucun droit de t'arrêter. Mais par contre, tu vois qu'ils regardent et ils se demandent vraiment achever des personnes au sol. C'est... Et les personnes qui sont rendues, c'est très déshonorable. Et moi, en gros, je... Si tu veux pas finir comme lui, tu parles. Ah, tu vois que tu dis ça. Et... Je parle. Tu vois qu'il s'arrête pas de parler. Ah bien, Miruoto, maintenant vous pouvez lui poser les questions. Tu vas me perdre 5 points d'honneur quand même. Ça m'apprendra à jouer RP. Alors moi déjà je suis assez troublé par ce qui vient de se passer, mais bon... On a quand même une mission après, quitte à en parler plus tard avec Yoritomo, mais pour l'instant... Donc chaque prisonnier est... tu vois qu'il y a un Ida qui le maintient, quoi. C'est clairement pour pas qu'il s'enfuit. Du coup, je m'approche d'un des prisonniers et je lui dis, écoutez, ouais. Je pense que j'ai pas besoin de te dire plus que ça. Si tu sais des choses, c'est maintenant qu'il faut le dire, sinon tu sais ce qui t'attend. Donc tu entends un petit couinement de coup que tu lui dis ça. Oui. Comme ça, tu le fais vraiment flipper. Et il te dit oui. Si je vous dis tout, vous me relâchez. Écoute, déjà commence à parler. Je pense pas que tu sois en position de négocier quoi que ce soit. Parle. Il te dit tout ce qu'il sait. Enfin. À l'époque, il travaillait pour un seigneur et il s'est fait arrêter pour des cas de criminalité. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, il erre avec Oshu et il s'est installé dans ce village il y a de cela pratiquement 2 semaines, 1 semaine, pour se réapprovisionner. Et puis en fait, ils ont trouvé pas mal de petites richesses. Et Goshu a l'air très intrigué par la nature du village, sa création, etc. Mais sans en savoir plus, il te dit que, par contre, ils ont profité, il dit que les deux autres là qui sont à côté de lui, ils ont profité des paysans. Hein. C'est eux qui les ont touchés. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse vraiment, à vrai dire. Parle-moi plutôt de l'homme au chapeau de paille. Que sais-tu sur lui ? Il te dit tout ce qu'il sait, c'est qu'il est passé rapidement, qu'il ne s'est pas arrêté, et que Goshu voulait lui parler, mais qu'il s'est tout de suite ravisé. Et il l'a vu différent. Peut-être parce que l'homme l'avait... fait peur ou quelque chose comme ça. Il pensait vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Et il te dit aussi qu'il était avec le guide du marais, la personne que vous recherchez. Ils sont partis vers où ? Il sait pas. Ils sont partis dans les marais. Dis-nous où se trouve sa famille. Il te dit, dans le temple, c'est sa sœur et sa mère sont protectrices de la déesse Duri et de la fortune. Et est-ce que vous avez tout ce que vous avez estorqué, où est-ce que vous les avez mis? Donc ils te pointent une maison et que tout ce qu'ils ont, c'est dans cette maison. Ils ont pas voulu faire trop de pillage non plus. D'accord. Donc c'est Inari, voilà. C'est Inari, la déesse Duri. La fortune Duri. Yoritomo, est-ce que tu as des questions à leur poser? Qui a touché les enfants et les femmes de ce village? Tu vois qui t'a dit, c'est les deux autres. Hein. Vous n'avez rien touché? Non, j'ai rien touché. Je lance un regard aux deux autres. Tu vois qui dit, non, c'est lui. Bon, dans le doute, coupons toutes les mains. Non, tu vois, je pensais pas couper ça, mais bon. Ils commencent à se raviser, ils disent, non, on n'a rien fait. Nous, on était juste observateurs. Écoute, je pense que ça peut être très facilement... Pour le viol, normalement, c'est la castration. Hein. Moto, Yoritomo, je pense qu'on peut très rapidement savoir ce qu'il en coûte, puisque nous pouvons très bien faire venir les gens, les villageois sur les lieux, et ils choisiront eux-mêmes leur coupable. La sentence. Non, on va pas les remettre devant leur bourreau. On va pas leur demander de choisir. C'est à nous de faire. C'est à nous. C'est à trois en tant que Yoriki. Oui. Donc la castration pour ces trois-là. Et les mains. Enfin, quand même, juste là, on n'est pas en train d'outrepasser ça. Normalement, si on était très procéduriers, est-ce qu'on irait pas aller... Ah non, normalement, on rend la justice, nous. Hein. Ouais. Ce qu'on fait là. Bah très bien. On leur coupe une main. Maître incontesté, incontestable. T'as entendu les enseignements du MJ. T'as tout à fait raison. Donc, tu appartiens à la magistrature et du coup, t'es pas au point de te dire que la loi c'est toi. Mais là, pour le cas de Ronin que vous avez largement vu se battre contre vous, tu peux choisir une sentence que tu souhaites, entre guillemets, en espérant que si ça s'apprend, que tu allais relaxer des violeurs sans leur inculper la moindre peine, ça peut t'entacher. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, disons, je propose qu'on coupe la poire en deux, une main, une couille. Mais une main et la castration, et puis voilà. Parce que les pauvres, il va falloir écouter, pas les mettre sans main. Yoritomo, je sens que tu as l'air tendu, je te laisse procéder à la sentence. Les Ida ne seraient-ils pas plus disposés au vu de leurs armes? Non, les Ida sont des aspirants, ils n'ont pas encore... J'avais oublié ce détail. Allez Yoritomo, donne la sanction. Elle est cul nue. Là, le Ida, tu vois qui... Il te regarde, il te dit... J'ai une question juste. Normalement, les émines du village, ils peuvent pas le faire à ma place. Non, alors, je rappelle, c'est un peu à ce que tu te souviens de Game of Thrones, c'est que quand tu es un bourreau, quand tu es juge, tu appliques le verdict. Je suis Ned Stark. Ça va. Entre guillemets, t'es pas obligé pour la prison et tout ça. Là, ce que tu demandes, c'est quand même castration. Je vais pas te dire que ça se fait pas du tout souvent, hein, les castres... en réalité, couper des mains, c'est plus fréquent et plus simple. Hein. Là, tu t'apprêtes à faire une opération qui lui est mortelle, en fait, hein, clairement. Et elle est très douloureuse. Allez, hein, bah, c'est chatoyant. Il mérite la mort de toute façon, moi, je dis. Allez, c'est parti. Et bah, c'est parti. Hein. Il y en a un, bah, il se fait défroquer. Tu vois devant les autres, devant les mecs qui... ils se mettent comme ça. Tu vois que le mec, il est à genoux, bah, avec son machin à l'air. Donc, hop là. Tu lui coupes quoi, en fait? Enfin... Tu veux vraiment que je décrive, c'est ça? Non, mais si tu veux coup, le rendre... L'entièreté, non. Le paquet, tout, le pack voilà, complet... Voilà, si tu veux le rendre eunuque ou pas, tu vois, c'est... Bah, ça va être un eunuque, oui. Hein. Eunuque. Ah, mais c'est dégueulasse. Ok, tu... Est-ce que tu te saisis du truc pour bien couper, tu sais? Ah, mais je coupe dégueulassement, hein. Ouais, dégueulasse, non. Tu commences à planter ton arme et... Encore une fois, ce genre de truc, normalement, tu devrais pas t'abaisser à couper des couilles. Eh mais en même temps, attention, parce que tu vas recevoir du sang, là, en faisant ça. Je suis volte-face, je m'en fous. C'est normal. Ouais, mais là, en gros, ça me fait pas chier de me salir les mains. Oui, mais c'est, en fait, c'est l'un des fluides que tu ne dois jamais toucher. Normalement, tu dois pas toucher du sang. C'est, ouais, c'est... mais après, entre guillemets, en RP... tu peux, par négligence ou par volonté, de toucher du sang. Le truc, c'est qu'il faudra suivre un rite de purification dû à ce faux pas, quoi. C'est un truc que je connais ou pas, le rite? Oui, techniquement, tout le monde connaît le fait que toucher du sang, c'est quelque chose de très mal vu. Ça, c'est pas, c'est pire, je pense que tu te rends pas compte, mais c'est peut-être pire à un samouraï de toucher du sang que de manger de la viande. Donc déjà, faut se rendre compte du blasphème que c'est. Mais entre guillemets, tu peux toujours, il y a toujours un moyen de te pardonner. Je peux pas prendre un Tetsubo pour faire la basse besogne et le faire un peu de moins. Non, là tu demandes un truc chirurgical, mais sinon bute-les. Hein. En réalité, les gars, tuez-les. Ok, mais je les égorge comme des cochons. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, parce que là tu... Ouais, non. Non, pour pas grand chose, entre guillemets, c'est attaquer les forces publiques quand même, t'as l'impression. Ouais, non, mais. T'es quand même. La loi, c'est toi, enfin, entre guillemets. Ouais, non, mais. Je les égorge comme un cochon. Bah, tu peux faire ça propre, tu prends ton sabre et tu les têtes. Ah non, quand même pas. Non, tu les égorges. Ouais. Attends, samouraï sans honneur, bah, tu me perds encore 5 points d'honneur. Je m'en fiche. Ouais. T'as 30 points d'honneur. 30, tu vas commencer à avoir des malus hein, au prochain palier. Ah bon? Ah merde. Mais les habitants seront fiers de moi, je gagnerai de la gloire, j'en suis sûr. On va t'appeler le coupeur de voix. Tiens. Est-ce que... Pour te dire, à 29, t'as déjà un désavantage vu à... De toute façon, j'ai déjà un désavantage avec moto. Ouais, mais t'en as encore plus, hein. Mais est-ce que, une fois les têtes coupées, on peut les mettre sur des pics pour montrer qu'on a fait la sentence? Ah, les gars, ouais, c'est pas dans Warhammer, hein. Non, mais je sais pas. Est-ce que. Parce que je connais pas la... Non, tu fais les corps encore moins. Non, mais. Tu prends une tête, tu prends les cheveux, tu l'empiles dedans, tu fais rien. Ah, mais j'ai égorgé, j'ai pas dégabité. Non mais après rien ne nous empêche de les décapiter derrière. Alors entre guillemets, tu ne dois laisser aucun corps intact. Tu ne dois laisser aucun corps intact. C'est-à-dire que tu dois pas enterrer. Donc tu brûles tout. C'est dans les coutumes rokuganaises, tu brûles, c'est des corps. D'accord. Tu fais pas de décapitation, tu les mets pas sur des pics. D'accord. Okay. Que ce soit intimidant ou non, tout le monde sait qu'il peut s'avérer que des têtes mystérieuses volent dans les. Voilà, d'accord. Bon bah écoute, tranche la gorge et on brûlera tout ça derrière. Et... on fera venir les villageois et voilà. Un feu de joie. Ouais. Tout ça va être exécuté. Qui sont dans les champs, hein. C'est aussi des esclaves entre guillemets. Il y a des états qui sont présents, donc ils vont s'occuper de ramasser les corps, les jeter, les brûler. Les armes seront consignées et mises dans le bateau. Et là-dessus, vous êtes à côté des crabes. Donc tu en vois un qui, disons que les gars se félicitent, hein, ils se félicitent de cette victoire, tu vois, qui lève le bras en disant hurrah, tu vois. Ils sont super fiers d'avoir vaincu sans aucune perte. Il y en a un quand même, c'était celui qui s'est fait sauver par moto, qui lui baisse un peu plus la tête, tu vois. Il sent qu'il a fait un échec et le doute est dans son esprit maintenant. Je peux essayer de lui parler? Oui. Du coup, je vais vers lui et je dis, écoute, même si il est vrai que tu as l'impression que tu as échoué, sache que ton courage et l'ardeur que tu as mis au combat sera toujours un grand honneur pour toi. Le combattant ne devient pas combattant sans blessure. La blessure t'apprend, c'est toujours une leçon. Sache que pour ton prochain combat, tu en seras grandi et que tu pourras faire un honneur encore plus à ton sensei. Tu vas me faire un petit jet de courtoisie avec feu. Alors, courtoisie. Avec feu. Okay. Ouais. Donc deux succès. Il faut deux succès. Bah écoute, ça va le faire, deux succès. Bon, un point de conflit, allez, pour lui faire plaisir. Ouais, pour lui faire plaisir, pour lui. Donc tu vois, il te regarde et tu vois que lui, il va pas perdre la face, mais tu lui fais perdre la face en fait. Donc il commence à avoir des larmes couler en voyant que il pensait vous avoir déçu vraiment, tu vois, du profond de son cœur de Ida. Il pensait vraiment que cette voix, la voix du crabe, n'était pas la sienne. Et avec ton discours et peut-être l'espoir que les prochains conflits se passeront à son avantage et qu'il ne sera pas, et qu'il mettra pas en danger des personnes comme Moto-sensei, pardon, Moto-senpai. Moto-sensei? Senpai. Il reprend vraiment. Et ses potes, ses copains, ils sont là, ouais, tu vois, ils sont contents là. Ils ont fait une petite excursion. Et puis ils vont attendre la suite des opérations. Donc vous rentrez dans la première maison où il y a l'argent, tout ça. Il y a la nourriture, il y a la viande, enfin entre guillemets, il y a du poisson. Hein. Mm-hmm. C'est la première nourriture. Il y a du poisson, il y a du riz, il y a quelques graines, plus des légumes. Tout ça sont mélangés avec quelques tas de richesses entre parties, entre guillemets, c'est des pots en terre cuite et quelques ennemis qui sont à l'intérieur de leur butin de guerre. Mm-hmm. Et le temple, entre guillemets, c'était la grande maison que vous avez vue au tout début. La maison d'Inari, pour être exact, c'est un sanctuaire gardé par deux personnes. Vous ne les connaissez pas, mais vous avez déjà entendu parler de la déesse Inari, la déesse du riz. Donc en fait, comme le riz est une ressource principale pour les Rokugane, la fortune qui lui est consacrée est tout aussi importante, et même, c'est une des grandes fortunes maintenant, parce que tous les paysans prient la déesse du riz pour avoir de bonnes récoltes, et même, des fois, pour d'autres aspects, comme avoir de la chance. Hein. Mm-hmm. Dans la conception, dans le jeu, dans la vie, de manière générale. Se trouve Aki, et Aki qui est une dame un petit peu plus d'âge mûr. Tu vois qu'elle est un peu plus petite, elle est un peu plus. Elle s'est rapetissie, hein, c'est comparé à la deuxième personne qui s'appelle. Akiko Kogame. Mm-hmm. Se présente et vous fait un salut mettant le fond au sol faisant la fameuse le bienvenue dans ce temple samouraï. Mm-hmm. La récompense que nous pouvons vous donner ne peut être qu'infime, mais nous souhaitons que la déesse Inari vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie pour ce que vous venez de faire. Vous venez de libérer notre humble hameau de l'emprise de Goshu et de ses sbires. Je vous prie de bien vouloir accepter toutes je vous laisse prendre ce que vous voulez dans J'entends plus rien, moi, perso, mais... T'as pas entendu ce que j'ai dit à la fin ? Vous pouvez prendre quelque chose dans... Dans ma maison, dans ma demeure. Ce que vous voulez dans ma demeure. Alors, Moto, attends. Lui, va désigner la fille, le connaissant. Alors, la fille, elle a, au bas mot, 17 ans. Très jeune, assez grande. Elle est avec une sorte d'habit de cérémonie assez classique, pas brodé ni cousu d'or, très classique. Par contre, elle détient une sorte de pendentif assez ravissant qui la met en valeur. Et vous constatez que ça ressemble à un pendentif qu'on met pour les prêtresses. Mmh. Pour justement montrer qu'ils sont en apprentissage. Et justement, vous comprenez qu'elle est en apprentissage avec sa mère, donc c'est un peu compréhensible. Moi, je tends un masque, je demande... Je dis, aucune récompense ne m'est due, je ne fais que mon travail, mais nous sommes à la recherche d'un homme qui aurait en sa possession plusieurs masques comme celui-ci. L'auriez-vous vu passer il y a peu ? Oui, il était avec mon fils unique. Ils sont partis dans les marais. Et l'homme en question voulait demander à Takei un endroit particulier, une ancienne ruine qui se trouve au centre des marais. Appartenant à une ancienne confrérie de Shinsei qui s'était installée là, mais qui est depuis disparue. Et la demeure a été maintenant que n'est plus qu'un tas de cailloux. Une simple ruine. Et ils sont partis il y a longtemps pour aller là-bas ? Il y a 2 jours. Et combien de jours de marche pour aller là-bas ? Oui. Si vous n'arrivez pas à vous perdre, une journée, vous y êtes. Le problème, c'est que c'est votre fils qui connaît la route. Tu vois qu'elle fait un oui de la tête. Puis la fille s'avance et elle dit avec beaucoup d'assurance que elle connaît le chemin. I know the way. Do you know the way? Non. Elle est toute rouge en fait. Écoutez. C'est une bonne chose, mais en même temps, on n'aimerait pas prendre des... C'est peut-être risqué d'aller là-bas, nous voudrions pas vous mettre en danger. C'est compliqué. Tu vois que le danger ne m'effraie pas. Depuis que ces renins se sont installés, j'ai épousé la peur et la terreur. Mais je regarde sa mère et je dis, est-ce que vous seriez d'accord pour la laisser nous guider ? Elle est l'unique héritière que j'ai. Donc oui. La seule qui pourrait reprendre ce temple et la seule qui pourrait continuer à faire perdurer ce lieu sacré. J'aimerais que elle puisse revenir aussi... si rapidement que possible, qu'elle ne reste pas perdue dans ces marais, comme la plupart des âmes en peine. Pardon ? Ne vous inquiétez pas pour cela, nous serons là pour la protéger. Nous avons beau l'air d'être jeunes, nous sommes tout à fait disposés à protéger une pauvre âme en détresse. J'ai vu ce que vous avez fait sur la place contre ces voyous. Et je ne doute pas que vous puissiez la protéger, Yoritomo Saba. D'ailleurs, si suite aux exécutions qui ont eu lieu, j'aurais peut-être besoin de me faire bénir ou bien de procéder à un processus de purification. Elle te dit « Je connais le principe et je peux vous faire les sacrements vous libérer de cette peine d'avoir touché l'un des fluides interdits. Je vous en serai gré.